Excellent. Moi, c'est du style à rajouter beaucoup de légumes sur mes pizzas. Ben ouais. En faire comme une espèce de pizza végé, là. Ça, là. Ce qu'on n'aime pas des pizzas congelées, souvent, c'est qu'il n'y a pas assez de fromage. Et je trouve que tu as mis une bonne quantité de fromage. Non, c'est souvent bon. Ça qui mange. Ouais. Mais pizza congelée, des fois, je rajoute du fromage. Tout est léger parce que c'est vraiment un surplus. Quand je le fais pour moi, là, c'est... il y a plus de tout, là. Mm-hmm. Bon. On aime ça? Très bon. Tout le monde est d'accord? Mais pouce en l'air. Mais aussi. Pouce en l'air. J'ai déjà essayé de quoi m'a donné. C'est pizza fromage bleu, mais avec tomate. Hum! Mm. Ça, ajouter ça, ça donne une belle petite twist. Puis tu mets un petit peu de chèvre. C'est un fromage qui ne font pas rapidement ou qui ne font pas. Ah oui, ou du gorgonzola. Ou du Don Rémy, là. Oui. Ah, ça ne font pas, ça fait un autre saveur. C'est... Ah oui, fromage fait. C'est vraiment de pizza. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien du pesto dans de la pizza aussi, ouais. C'est bon. Ça. Ah. Bon. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la pizza. Merci beaucoup, Martin. Un plaisir. C'est super, ça. Ça. Tu restes avec nous jusqu'à tout à l'heure. David, t'allais dire? C'est très bon. Très bon. On veut continuer, donc on va devoir s'écouter une pièce musicale pour pouvoir transitionner et finir de manger ça. C'est comme ça que ça se passe. On s'en va entendre une pièce du côté anglophone. Pourquoi pas, on va entendre. On va plonger les crocs, un peu comme dans la pizza qu'on vient de faire, dans Hooded Fang. Et voici Queen of Agusan tout de suite. Assemblage requis, une grosse pointe, all this.

tu vois. Ah, dans le fond, je suis comme... Ah, c'est pour ça. C'est ça. Je me sens exploité. Je me sens exploité, Tania. On m'exploite. Tania. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mathieu m'autorise à manger juste pour rire de moi. Juste pour dire de rire des problèmes d'alimentation des oui, gens. Oui, c'est ça, exact. Ah, après ça, c'est quoi? Je vais rire de ton déficit de tension avec hyperactivité. Des... hein? C'est ça? Hein? On donc, parlait pas de bouffe. On parlait de bouffe, en effet, les amis. Pendant qu'on a un petit creux, là, Martin Lambert est parti à une réunion. Il va être de retour plus tard. Et j'ai dit que j'allais garder le dessert, qui est mon autre produit. Oui. Je vais le garder pour un petit peu plus tard dans l'émission, si ça vous dérange pas. Mais non. Parlons de nouvelles de fast-food. Maintenant, un petit, une petite édition spotted, comme j'aime faire une fois de temps en temps. Et le rhume, évidemment, qui va être tout le temps là quand je vais parler. Commençons par Hershey, la compagnie de chocolat Hershey. C'est des petits emballages pour faire des cartes cadeaux. Tu sais, quand vous offrez une carte cadeau à quelqu'un, ben c'est le fun d'avoir un petit morceau de chocolat. Hein? Donc c'est une c'est un truc pour mettre la carte cadeau et puis t'as du chocolat qui vient avec. C'est tout simple comme ça. Ça vient en magasin, apparemment aux États-Unis. Je sais pas si on va voir ça éventuellement ici. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Non. Donc du chocolat dans une carte cadeau. Ensuite, Starbucks Cookie Straws. Vous savez, Starbucks offre des petits produits dérivés là, c'est de café, d'autres oui. trucs comme ça, de chocolat des fois. Donc maintenant, ils offrent en magasin, encore une fois aux États-Unis, c'est chez Costco. Donc peut-être qu'on va voir ça chez Costco Canada. C'est des pailles biscuits qui sont faites pour le café, par exemple. Donc tu peux mettre, c'est un petit peu comme des piroulines. Oui. Donc avec du biscuit autour. Et puis tu peux siroter ton café avec miam. Ça. Parfait pour un Starbucks. Mais ça doit devenir mou, non? Ben en fait, ceux-là, d'habitude, ah. les piroulines, c'est comme fait pour ça. Donc ça reste croustillant même quand tu le trembles okay. un petit peu. D'habitude. On espère. Voilà. Ensuite, vous connaissez les Warheads, les petits bonbons là, que les non. enfants aiment bien? Oh ben mon oui, Dieu, les Warheads. Non, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi des Warheads? Non. Non, pour vrai? C'est comme des casse-gueules qui sont extrêmement forts. Genre? C'est pas les trucs qui explosent dans la bouche? Non, c'est pas ça. Non. Il y a eu, je pense, une version qui était comme ça. Mais ici, ce sont des verres, donc des okay, jujubes en verre extrêmes. Donc ça s'appelle les Warheads Hot Heads Extreme Heat Worms. Donc c'est surette, c'est sucré et ensuite t'as de la chaleur qui vient. Donc saveur de fraises, de pommes vertes et de melon d'eau. Nous qui avons avoué aimer le melon d'eau il y a quelques instants, c'était chez Walmart aux États-Unis. Donc des fabricants de Warheads, les Hot Heads. Ensuite, un autre spotted et encore aux États-Unis. Commençons par le Québec. J'ai vu pour la première fois de ma vie cette semaine le beurre d'arachide Jif, J-I-F, qui est très oui. populaire aux États-Unis. C'est rendu qu'on l'a au Canada et au Québec. C'est vrai. Donc, j'ai pas encore essayé, mais ça s'en vient. Je vais l'acheter le prochain pot de beurre d'arachide. Je me demande si c'est. Waouh! Ben, si tu parles de peanuts, là. Ouais, moi, je préfère ça. Le Planters parce que c'est celui qui goûte le plus les arachides. Mais oui. ça doit pas être naturel parce que je vois qu'il y a le bonhomme Pillsbury. Ouais, ben là, ça c'est une édition spéciale. Je parlais du GIF qui est en épicerie, c'est la version normale. Okay. Ici, ce qu'on a, c'est du glaçage à saveur de GIF. Ouais. C'est fait par Pillsbury avec du GIF. Donc, c'est du glaçage pour le gâteau, pour à peu près n'importe quoi, des petits muffins, des cupcakes. Il l'a donc au beurre d'arachide et au beurre d'arachide et chocolat. Ah! Donc, c'est du glaçage. Et on peut tremper n'importe quoi dedans aussi. On pourrait tremper des bretzels, des chips dans ça. C'est vrai. Pour faire du sucré salé. Mais bon, évidemment, nous, on a seulement que le GIF. Faut bien commencer en quelque part avec la base. Ensuite, Quaker qui amène son gruau instantané à saveur de romarin, cheddar et pomme. Oh! Un drôle de mélange, n'est-ce pas? Oui! Hein? Donc, Apple Cheddar Rosemary Instant Oatmeal, c'est lancé aux États-Unis depuis le mois de mars. Donc, je l'ai vu ici vas-y. Aussi. Pour vrai? Oui! Ah ouais? Je suis impressionné. J'ai eu une réaction vraiment bizarre. Ah ouais, on est vraiment rapide dans ce cas-là. Ouais. Ben. Donc, c'est le résultat d'un concours qui s'appelait Bring Your Best Bowl, qui demandait aux participants du concours de soumettre des idées pour la prochaine saveur de la marque. Oui. Et ils ont permis au pays en entier de voter pour leurs favoris. Les deux saveurs qui avaient le plus de votes étaient Vanilla Chai à la vanille, et Lemon Ricotta Pancake. Donc ça, c'était les positions 2 et 3. Et celle qui a gagné, c'est donc Apple Cheddar Rosemary. On peut le trouver, comme tu l'as dit, ici même au Québec. Mais peut-être que si, mettons, le matin, tu faisais une croustade avec des œufs, mettons, en dedans, comme ouais. une espèce de... muffin anglais avec les œufs, mais dans le fond, ta pâte serait comme ta croustade. OK. Parce qu'une croustade, c'est ça avec du gros, comme une espèce de part de gros, ça serait ta part de gros, puis entre, ça serait une espèce d'omelette, fait que t'aurais deux tranches de gruau, puis en dedans, t'aurais des œufs. Fait que t'es en train de dire que c'est comme un déjeuner complet dans un bol de gruau. Oui. Mais pourquoi du... Ben, c'est parce que je vois pas manger ce gruau-là tout seul. Ouais, mais moi, c'est l'épice. Le romarin? Le romarin? Le romarin. Oh, j'adore le romarin. Ouais, mais pourquoi tu mets du romarin dans du griot? Le martin. Ben, c'est ça. Sinon, ça servirait à quoi si c'est pas pour le cuisiner? T'as un point là-dessus. T'as un point là-dessus. Mais peut-être, mais tu sais, il est vendu en sachet individuel. C'est ça. C'est fait pour être mangé dans un bol. D'après moi, c'est pour avoir un petit kick un spécial. Un kick, ouais. Ouais. J'avais pas l'idée de faire des saveurs originales pour le matin, mais je sais que le public, en général, est pas mal fermé à tout ce qui est différent, surtout au déjeuner. Donc, je suis pas sûr que ça va avoir beaucoup de succès. Peut-être c'est peut-être le côté plus, gravy ou salé des Américains, je sais pas. Ben, sûrement. Mais pomme cheddar en tant que tel, ça fait super bien ensemble. Tu sais, sur un craquelin du fromage avec des pommes, ça marche toujours. Mais le romarin par-dessus, peut-être qu'il aurait pu s'en tenir à pomme et cheddar. Mais faudrait l'essayer pour le savoir. Peut-être qu'on devrait l'essayer à la chronique un jour. Est-ce qu'on fait ça un jour? Oui, puis tu manges ça avec un verre de rosé. Ben, pourquoi pas? Ben oui. Pourquoi pas la fin de semaine, hein? On se lâche plus. On essaye ça à l'émission, ça va être sympa. Ensuite, on reste dans les trucs qui ont une petite saveur bizarre qu'on n'est pas sûr. C'est les triscuits, vous connaissez tous les triscuits, les petits biscuits qui ressemblent à des, de la fibre, si on veut. Donc, c'est des triscuits à gingembre et citronnelle. Oh. Et t'as aussi figues et miel. Oh. Les deux ont l'air vraiment bons, mais de la citronnelle, on dirait que tu vois pas ça souvent dans les produits de collation. Donc, Triscuit fait 100% de grains entiers. Les deux saveurs sont nouvelles aux États-Unis. Peut-être les avons-nous ici. À un moment donné, on peut pas savoir si tous les produits sont disponibles au Canada. Il y a aussi les triscuits sriracha. Oui, mes préférés, par contre, restent toujours poivre concassé. Oui. Je les adore, ceux-là. Très bon. Et romarin ou huile d'olive. C'est mes deux bestes. Ouais, c'est vrai. Je les adore. J'aime beaucoup les triscuits, bon. Hein? C'est ensuite, excellent. Mais moi, vas-y. C'est ça, j'ai comme une réflexion sociologique. Est-ce que je peux vous en faire part? S'il te plaît. Bon, on parle des États-Unis comme quoi, par exemple, là, c'est un peu compliqué. Là, on rentre dans un côté sociologique qui n'a pas rapport dans une pointe à l'adresse. T'es un historien, c'est correct. Ouais, il faut que j'aille l'air intelligent des fois. Tes chroniques d'Eurovision disent le contraire. Ouais, mais c'est frivole. C'est ça, c'est faut se permettre d'être frivole des fois. Donc, c'est ça, on dit que, par exemple, les pays qui sont à droite politiquement sont de plus en plus renfermés, mais pourtant, alimentairement, les grosses marques super commerciales américaines intègrent des trucs originaux et même de partout dans le monde. De partout dans le monde, c'est vrai, ouais, t'as raison. Donc, est-ce que c'est l'alimentation qui est en retard? Est-ce qu'il y a un message politique par rapport à ça? Peut-être que les gens veulent goûter à ce qu'il y a dans le monde, mais veulent pas des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais, il faudrait ça. Faire une étude là-dessus. C'est un peu là-dessus. Ça, en fait. Le lien, c'est ça, gastronomique, et le lien avec les gens, c'est quoi le lien entre les deux? Ça m'intrigue. Peut-être que ça va se mettre à reculer parce que Trump, tout ce qu'il mange, c'est genre du PFK. C'est vrai? Non, on l'a vu souvent manger du PFK, des trucs assez malbouffe, Donald Trump. À la fourchette. À la fourchette, exactement. On continue avec nos spotted dans cette petite section de nouvelles en bref. Commençons avec, tiens, ça m'a quand même intéressé, c'est Minute Maid qui fabrique aux États-Unis, en tout cas au moins, de la limonade melon d'eau épicée. Ah, okay. Melon d'eau épicé. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il rajoute pour rendre ça épicé, mais ça dit que l'autre à côté, c'est pêche et du gingembre. Tabasco. Du tabasco. Mais pêche et gingembre laisse sous-entendre que peut-être que c'est pas du gingembre que dans le spicy watermelon. On voit pas la ça photo. Ça me semble être. Tu sais, t'as la comme. Cannelle. Non. Il semble y avoir un jalapeno au-dessus des citrons. Ah, je le vois, là. Oui, je pensais que c'était une feuille, mais t'as raison. Ouch. C'est citron, melon d'eau et jalapeno. Ouch. Alors que pêche et gingembre, c'est simplement pêche et gingembre. Oh. Et ce qu'il y a en bas de l'image, c'est bien du gingembre. Ouais, oui, c'est trash. C'est, ouais, ça doit être... C'est quelque chose. Il y a aussi de la limonade avec de la menthe de chez Minute Maid en ce moment. Sinon, sur cette page-là, est-ce qu'il y avait d'autres choses? D'autres choses, je ne crois pas, non, qu'il y avait... Non. Pas mal non plus. Non. Ensuite, je sais pas, il y a trop d'affaires sur la même page. Ensuite, tiens, on a un pour le Canada, c'est mais rare. Voyons donc, oui. C'est où ça que se trouve? C'est supposé être en épicerie. C'est les nouvelles Häagen-Dazs spiritueux. Donc, crème glacée spiritueux avec rhum et biscuits gingembre d'un côté et vodka et la tarte à la lime de l'autre côté. T'as aussi rhum, vanille et caramel blondie. Avant, dans tous les bons SAQ. C'est ça. Et t'as aussi whisky chocolate truffle, truffle au chocolat. Il Y a aussi une version crème irlandaise et biscotti. Hein? Donc, évidemment, ça, c'est la saveur de l'alcool et non pas de l'alcool en tant que tel. Donc, malheureusement, David, ça pourra pas être à la SAQ. C'est bien malheureux. Ah. C'est par Häagen-Dazs. C'est les, donc Häagen-Dazs Spirits. Voilà. Ensuite, un autre spotted, Hershey's Flavors of America. On revient aux États-Unis pour... pour la saveur de la Géorgie dans des Reese's. Ça s'appelle Honey Roasted Milk Chocolate Reese's. Donc, j'imagine qu'en Géorgie, c'est populaire de faire rôtir, pas rôtir, mais griller au miel du chocolat. J'imagine que c'est de là que ça vient. Donc, Reese au miel grillé, c'est vraiment mon genre de choses. J'ai adoré, il y a quelques... c'était l'été passé, qu'il y avait des O'Henry au miel. Il me semble, c'est ça, O'Henry au miel, ouais. Et j'en achetais tout le temps, je trouvais ça absolument fantastique. Ça rajoute vraiment quelque chose au chocolat. Donc, bon, j'aimerais ça pouvoir avoir ça ici un jour. Le reste, on les connaît un petit peu moins. Il y a la barre de chocolat PD qui est à la saveur du Texas Barbecue. Donc, c'est une barre aux arachides et au caramel avec de la sauce barbecue dedans. Ça, c'est particulier avec du chocolat. Mm-hmm. T'as sinon Kit Kat à la fraise. T'as le chocolat Hershey's au gâteau au fromage à la cerise. Oh. Ensuite, un autre spotted, c'est les Doritos aux agrumes des Caraïbes. Oh, Caribbean Citrus, encore une fois aux États-Unis. C'est le genre de choses que j'aimerais peut-être moins. Les agrumes sur des chips, je sais pas. Ah, les Tostitos à la lime. T'as-tu déjà goûté non. ça? Oh mon Dieu. Pour vrai? C'est bon. Oh, c'est tellement bon. Ça, c'est, qu'est-ce que ça fait de plus? Ça te donne un kick ouais. de fraîcheur. Est-ce que ça te joue dans les joues là, comme de la oui. lime? Ah oh, ouais? Ah oh, ouais. Oh, c'est parfait. Oh. Intéressant. OK, ben... Ouais, Tostitos à la lime, là, c'est sérieusement une des saveurs de Tostitos les plus préférées chez moi. J'aurais jamais douté. Mais ça doit être très piquant. Non, pas tant. C'est quoi, c'est la petite poudre de lime? Oui. Donc, ça, quand tu mets sur ta langue, t'as vraiment un petit boost. Hein? Oui. OK, elle a essayé. Au lieu de prendre du Red Bull, on mange des... De la poudre de lime. Une batterie de volts à la langue, puis des... Pareil. Des tu faisais ça quand t'étais jeune? Mais hein. David l'a fait aussi récemment qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a les cheveux dans les airs. Ben, c'est... Ma mère me disait tout le temps, si tu veux savoir si une batterie fonctionne, mets-toi-la sur la langue. Oui, ben oui. C'est vrai? C'est comme ça, tu savais si elle fonctionnait. Je faisais tout le temps ça. J'aimais ça. À un moment donné, là... t'es spécial, hein? Tu sais, si tu le fais trop, là, les nerfs dans ta langue, comme il arrête plus de buzzer. Puis quand j'étais jeune, je trippais vraiment beaucoup au point où ma langue avait comme des buzz de... Et on se rappelle que la semaine passée, Tania parlait de ses suppositoires dans les fesses. Et là, cette semaine, elle parle de sa langue qui vibre. Il y a comme un petit lien à faire peut-être entre les deux. En tout cas, non, si un gars qui te fréquente, il doit vibrer. Ces fantasmes seront exaucés. Non, mais là, c'était une batterie, là. Tu sais, une batterie énergisaire, là. Ça te prend deux bouts, là. Tu sais, tu peux pas coller une batterie qui a juste un bout négatif ou positif, là. Ouais. Ça prend les deux bouts. OK. Mais Tania conseille. Les grosses batteries carrées. Trompe-toi pas, là. Mets-toi pas le suppositoire sur la lèvre et la pile dans les fesses, là. C'est ça, non. Fais attention. Fais pas ça, je pense que t'aimerais ça. Qu'on avait appelé à avoir le derrière le feu au derrière. C'est oui, ça, exactement. Ça. Toujours dans les spots de Gatorade Organic. Donc, on parle de Gatorade biologique à saveur de fraises, citron et baies mélangées. C'est disponible chez Fred Meyer, les épiceries aux États-Unis. En fait, c'est seulement disponible dans les magasins affiliés à Kroger aux États-Unis. Peut-être qu'un jour, on aura nos Gatorade biologiques, ce qui est toujours très à la mode, les produits bio, donc pourquoi pas chez Gatorade aussi. Ensuite, chez Hershey's, on a des Kisses aux petits gâteaux de fête. Ooh. Tout est au gâteau de fête de nos jours, les Oreos gâteaux de fête. Il y a plein d'autres affaires qui sont au gâteau de fête, des beignets. Yeah. C'est soit hyper sucré ou soit qu'on expérimente dans le... dans les agrumes, dans les épices. C'est comme c'est les vrai. Deux extrêmes. C'est vrai. Tout le temps dans les extrêmes. C'est comme les batteries, ça allonge. C'est bien extrême. donc ça, c'était chez Walmart aux États-Unis. Ensuite, toujours aux États-Unis, on a... Attention, ça, c'est encore une longue liste d'affaires. Ah oui, c'est de ça que je voulais parler. C'est les Equal. Vous connaissez le faux sucre Equal qui est en épicerie depuis toujours. Et vous connaissez aussi les petits squirts qu'on peut se mettre dans de l'eau, là, au citron, peu importe. Parce que tu mets des petits jets dans, sur une cuillère puis tu brasses ça. Ben maintenant, combinons mash-up des deux ensemble. C'est Equal qui a créé des café creamers en trois saveurs originales, noisette et vanille française. Donc, c'est vraiment pour ton café. Tu vas te squirter une cuillère de vanille française. Tu vas brasser ça, ça va te faire un café à la vanille française. Pourquoi pas? Moi, je déteste vraiment beaucoup les bouteilles de plastique, les grosses bouteilles de crémette à café, là. Café Mate? Café Mate, ouais. Café Mate? J'aime pas ça, Ah non, c'est blah. Donc, j'espère que les Equal Café Creamers vont être meilleurs. Il y a aussi Mocha et Caramel Macchiato. Uh-huh. Ça passe, date très vite, ça, les Coffee Mate aussi. Oui, ben c'est ça l'affaire, mais ça, c'est vraiment réfrigéré, les Coffee Mate, alors que d'habitude, les squirts pour l'eau, d'habitude, c'est tablette, t'es pas supposé le réfrigérer. Donc, peut-être que Equal, c'est la même chose. Évidemment, on n'a pas tous les détails. C'est marqué qu'il y a 40 calories par portion, mais on voit pas si c'est marqué de le réfrigérer. On sait pas. Peut-être qu'on essaiera un jour. Ensuite, pour faire original, on s'en va à un spotted à Dubaï. Oh! Avec Nestlé Nesquik Choco Hearts Cereal. Donc, c'est des céréales Nestlé... voyons, Nestlé Nesquik. Oui. Voilà. Mais elles sont en forme de petits oreillers, un peu comme les céréales au chocolat qu'on a depuis quelques années ici au Canada. Je me rappelle jamais de leur nom. Là. Moi non plus. En tout cas, les céréales avec du centre crémeux, un peu de Nutella. Mmh. Donc, c'est un peu la même chose, mais dans des Nesquik, c'est super bon, les Nesquik. On aime ça. Donc, je sais pas pourquoi ils ont ça à Dubaï, mais ça fait du lait au chocolat. Et en plus, t'as des petits oreillers de Nutella à te garnir. Ensuite, aux États-Unis, les Ocean Spray Mocktails. Pour ceux qui aiment les cocktails, mais qui aiment pas l'alcool, qui veulent juste avoir une impression de boire un cocktail, c'est des mocktails premium non alcoolisés de la compagnie Ocean Spray, un peu comme les eaux de source, bien normal, à différentes saveurs. Donc, t'as Paradis des agrumes, tropicaux. Oh. C'est quoi? Pellini? Pellini, canneberge et pêche. Et t'as sangria à la canneberge. Mm. Chez Vice Market aux États-Unis. Ensuite, toujours au même endroit, on va chez Lay's avec leur Southwestern Queso et Beer and Brats. Donc, Beer and Brats, comme dans bière et saucisse. Donc, imagine des chips à la bière et saucisse. Oh, oh ça doit être bon, ça. Tu vois, t'es comme la seule personne que j'étais certain qu'elle allait dire que ça avait l'air bon en premier. À cause de la saucisse? Oh, franchement, non, franchement. Parce que t'as des goûts bizarres. Non, j'ai des goûts éclectiques. Éclectiques. Donc, tu mangerais ça, toi, des chips, bière et saucisse. Ben là, c'est... tu sais, entre, mettons, du gruau, cheddar, pomme et romarin, pis ça, oui. Oui. Si on me disait, là, t'as le choix entre les deux, David, entre du gruau bizarre... Tu manges juste une chose pour le reste de ta vie. Un des deux. Ah, ça serait les chips. Je pense que je prendrais le gruau. Ah! Wesh! Ah, je suis content de t'avoir connu, Tania. Ouais, c'est ça. Mais je pense que je préférais l'autre, le Southwestern Queso à la salsa con queso, la salsa au fromage, là. Oui. Tu sais, qu'on passe au micro-ondes puis qu'on trempe des Tostitos dedans. Donc, je pense que je préférais celle-là, mais je vais te laisser les Beer and Brats, David. Ça me fait plaisir. Il y a une critique sur assemblagerequis.com. Il fallait voir ça sur le blog de The Impulsive Buy. C'est chez Walmart aux États-Unis. Ensuite, toujours au même endroit, c'est les Doritos biologiques, Simply Organic Doritos au cheddar blanc et tortilla. Donc, nous qui aimons tant les tortillas, Doritos, au cheddar blanc, ça pourrait être c'est bizarre parce que c'est tout le temps quelque chose au fromage, les Doritos. C'est tout le temps fromage éclaté, fromage puissant, fromage extrême, fromage ça. Mais fromage blanc, cheddar blanc, j'avais jamais vu ça. Donc, ça existe. Et en plus, c'est biologique. Toujours aux États-Unis, c'est la crème glacée qui est faite pour les mauvaises ruptures. Tu sais, quand tu casses, quand ton couple se termine et que ça va mal, tu te plonges la face dans de la crème glacée. Donc, Perry's Ice Cream a compris le principe et a appelé ça Perry's Ice Cream Bad Breakup. Donc, c'est de la... Pardonnez-moi de ce grippe. La crème glacée à la grippe. On dit rhume. Oui. Donc, c'est la crème glacée au caramel salé, sel de mer. Avec des morceaux de fudge, de chocolat au lait, et des cœurs remplis de fudge. Donc, tu sais, des petits cœurs de la Saint-Valentin, mais au chocolat avec du fudge à l'intérieur. Et c'est de la crème glacée premium. Je sais pas qu'est-ce qui la rend premium. Peut-être plus de crème, je sais pas. Je sais pas. Hein? C'est chez Wegmans aux États-Unis. Ensuite, on va chez Trader Joe's, toujours aux États-Unis, pour un paquet de produits, dont les croustilles au beurre. Oh! Tu sais, tantôt, quand on parlait que Tania avait des goûts traditionnels, je me rappelle pas dans quelle catégorie qu'elle disait qu'elle avait des goûts traditionnels. Est-ce que c'est des chips? Je me souviens plus. Je me rappelle pas non plus, mais bon, tantôt, j'allais faire la blague. Bon, c'est ça, c'est quoi, tu vas prendre des chips à margarine? Ben, Colin, j'avais oublié que j'avais mis ça dans mes liens au beurre. Ah, mais non! Des chips, c'est déjà assez gras de même. Pourquoi à saveur de beurre? C'est pas du popcorn. Ça doit être des chips gras premium. Gras premium. Oui, c'est bien ça, exactement. Dit. Bien dit. Je sais pas, ça m'intrigue parce qu'en tant que tel, sur du popcorn, c'est vraiment super bon. Mais bon, donc c'est... Non, mais c'est pas du popcorn. C'est pas du popcorn, c'est des chips. Est-ce c'est que dégoûtant. Ça, est-ce que ça améliorerait ça d'une coche si je te disais que c'est beurre et miel? Non. Non? Parce non. que moi, oui. Beurre et ouais, miel. Mais... ouais, mais beurre. Beurre. Mettrais-tu du beurre si tes chips ordinaires? Ben, si j'avais un distributeur comme pour le popcorn, peut-être, ouais. Peut-être. Mais... es-tu enceinte? Peut-être. Comment ça va? Ça va bien, est-ce toi? Est-ce qu'on en parle? Ouais. Toi, David, tu mangerais ça? Ben oui. Non? Pas avec du beurre. Pas avec du beurre. Non, hein, c'est bizarre. C'est comme, je te dirais, faire un exemple, c'est comme si... je... ah, les analogies de David. Ouvre grandes les oreilles. Ça t'intéresse-tu? Non, ça m'intéresse, c'est juste que ça m'intrigue toujours. Tes analogies sont des fois complexes, faut t'écouter comme faut. C'est comme si, par exemple, tu fonçais sur le char de quelqu'un puis après ça, tu brûlais son char. C'est trop, hein. C'est d'en faire trop. C'est trop. Ah, c'est pas une mauvaise analogie. C'est pas une bonne analogie. Mais c'est déjà trash des chips, des fois. Ouais. C'est vrai. Ensuite, dans cette page-là, je pense que c'était pas mal tout pour ça. Le reste, c'est des trucs un petit peu moins intéressants. Et un dernier, tiens. Dont. Ouais, c'est ça, chez Pepsi Cola. Ils avaient sorti il y a quelques temps leur cola 1993. C'est un Pepsi fait vraiment comme plus avec les, comment dire, plus minimaliste avec l'ancienne recette de Pepsi. Il y avait aussi eu le Pepsi au gingembre à la même époque. On l'avait eu ici, le Pepsi au gingembre, je me rappelle. C'est vrai. Donc il y a comme des nouvelles versions de ces boissons-là, 1893. Ça marque 1893. Des fabricants de Pepsi Cola. Donc, tu as le cola aux agrumes. Mm-hmm. Donc, c'est une infusion de pamplemousse. Essence de pamplemousse. Miam. Et c'est encore une fois, David, premium. Premium cola. Tout le temps premium. Tout le temps. Et de l'autre côté, c'est du Black Currant. Il me semble que Black Currant, c'est de la mûre, mais j'ai tout le temps de la misère à m'en souvenir. Il me semble. C'est pas blueberry. C'est du cassis. C'est du cassis. Le Black Currant, de la liqueur Pepsi Cola au cassis avec une petite finition de baie intense, dit-on. Voilà, mais c'est encore une fois une boisson premium. Voilà pour le bloc Spotted de Grosse Pointe en Dresse. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste à attendre que Martin Lambert revienne pour pouvoir goûter à notre dessert. Chez quelqu'un d'autre, t'as amené quelque chose? Non? Non, mais t'avais pas trois produits. Oui, c'est vrai, j'ai un autre produit dans mon bureau. T'as raison, on va faire ça. Bonne idée. Mais pour l'instant, on prend une petite pause. Vous êtes à Assemblage Rocky spécial, une grosse pointe en dresse. Yeah! Pour l'écouter. 9h. Toujours à une grosse pointe d'adresse, le potluck, édition numéro 2 dans l'assemblage requis avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a aussi David Ferron qui est toujours avec nous, David. Yodely. Oh, yodely. Yodely. Oh, du yodel, ça fait longtemps. On a aussi Martin Lambert qui va de retour dans quelques minutes à peine. Il a une petite réunion, puis il va revenir après ça pour goûter avec nous à un dessert. J'ai aussi un autre produit que Tania m'a rappelé que j'avais un troisième produit, donc on va goûter ça dans quelques instants, en fait. Juste après une pièce de Fiverr qu'on s'en va entendre, voici Mouser. Tout de suite, une grosse bonne adresse. Je pense qu'il reste 30 secondes, mais c'est fini, il me semble. Je pense que oui. C'était Fiver avec la pièce Mouser, toujours dans notre édition spéciale du Potluck d'une grosse pointe en dresse à Assemblage Requis. On se fait ça chill cette fois-ci. À Noël, on avait fait ça vraiment plus party avec full monde. On a fait ça pas mal relax, mais c'est pas grave, on a du plaisir quand même. Et on continue avec... Pourquoi j'ai mis l'intro avec... on va la laisser chanter là-bas. Passez vite, c'est piton, moi, hein? C'est pas grave. Donc, une grosse pointe d'adresse. Oui, tout le monde de l'émission est invité à venir manger des choses avec nous, boire. Et comme on a ressorti les chips depuis tantôt, notre pizza, je pense qu'on l'a bien digéré. Oui, je pense que oui. Là. On a mangé, qu'est-ce qu'on a mangé d'autre que ça? On a rien d'autre de manger, hein? Non. On a rien mangé d'autre? Chips et pizza. Chips et pizza. Parce que moi, j'aurais envie de boire encore. Ah! Non, j'ai d'autres produits à boire. Oh! Hein? Mais c'est pas alcoolisé non plus, malheureusement. Peut-être les avez-vous déjà croisés en épicerie. Je me demande si vous les avez déjà essayés, vous allez me le dire. C'est le thé glacé Gold Peak qu'on voit d'annoncer une fois de temps en temps à la télé depuis quelques temps. Ça me dit quoi? Je sais pas, moi je trouvais que ça avait l'air bon. J'ai acheté les deux saveurs qu'il y avait en magasin quand je suis passé les prendre. Donc il y a le thé glacé Gold Peak à saveur naturelle de framboise et t'as à saveur naturelle de citron. Oh. Vraiment. Pourquoi clairement. Pas? Donc, commençons en parlant de Gold Peak. Fait avec de l'eau filtrée et légèrement sucrée avec du sucre de canne. Ça veut dire que ça goûtera pas le sucralose ou peu importe. Sucre de canne, on aime ça. Le thé glacé Gold Peak est si délicieux que vous croirez qu'il a été préparé à la maison. Nous disent-ils, une seule gorgée et vous en serez convaincu. C'était chip au curry qui remonte. Ça et le rhume, tout en même temps. Sans agent de conservation ajouté, sans colorant ajouté non plus. Le goût du thé infusé maison, fait avec du vrai thé. C'est pas mal tout ce qu'il y a comme information sur la version à la saveur naturelle de framboise. Sur le côté citron, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Non, pas vraiment. Donc, thé Gold Peak, c'est ce qui est écrit partout avec des petits symboles. On voit des montagnes à l'avant de l'étiquette. Ils ont voulu faire ça vraiment campagnard, je pense. Donc, je vais te passer les deux bouteilles, Tania. Attention, X, c'est loin. Hein? Et deux. Oh, merci beaucoup. Donc, le micro magique va être prêt à ouvrir ça. Tu choisis celle que tu veux ouvrir en premier. Tu gardes. Messieurs, lequel vous voulez boire en premier? Est-ce qu'on prend l'original ou l'original? Tu comprends la différence? Ouais, être original ou l'original? Je prendrais au citron parce que j'ai déjà goûté à celui du... Oh! Aux framboises. Il a triché? Ben non, il savait pas. C'est ben ça. Non. C'est quand même un petit bout que c'est sorti aussi quand même. Ben oui. Puis c'est moins déstabilisant celui au citron que celui aux framboises. C'est vrai, framboise. Hein? Ah, ça t'a déstabilisé. Oh, j'ai hâte de voir ce que tu vas... Si c'est aussi déstabilisant. Mais il y a des fois que goûter quelque chose à la framboise, ça goûte pas bon. OK. C'est juste le mélange. My God. Je vais prendre vos verres, messieurs. Oui, est-ce que t'en avais des nouveaux propres, hein, des verres, je pense? Un petit peu. Hey, on a exactement le nombre que ça nous prend. On ira en chercher d'autres si on a d'autres invités plus tard. On remercie la Chasse Galerie. Oui, merci, Chasse Galerie. Oh! Fait exprès. David? T'as le jet très peu puissant. Oui, mais sinon, ça fait pas de bruit. Avec les bruits d'oiseaux, là. J'ai l'impression de travailler dans une fontaine. David, je vais te laisser aller le mener à Mathieu. Ah oui. Enlève tes écouteurs pour pas partir avec le restant de la console. C'est bon lui dire, on aime ça. Après ça, David, il va chialer qu'on rit de lui. Merci. Oui. Je nous ai vraiment servi des gros verres, je pense. Ça sent bon, ça sent le thé glacé, on va se dire. J'ai vraiment pris l'expression. Oh, ça sent le thé glacé. J'ai pris l'expression, on va se le dire, de notre ami Marc-Olivier Dumas qui a dit cette expression-là 92 fois à l'émission d'après-match mardi. Puis là, c'est rendu que je dis ça. On va se le dire. C'est le fun, l'influence entre animateurs. C'est ça. Exact. Donc, oui, l'odeur est très, très thé. Est-ce que tu sens un petit peu le citron? Oui, un petit peu. Ça me fait penser au thé glacé américain, en fait. Oui, la dynastie. Là. C'est ça. Oui. On y va. Go. Ça goûte le Nestie. Hey, j'aime ça. J'adore ça aussi. Un petit peu moins sucré que Nestie, je crois. Non, il y a le petit goût de thé, le côté amer du thé aussi. C'est pas une limonade, là. C'est un thé glacé au citron. Mais je me demande si on mélangeait ça avec la grolsch. Oh! Je sais pas si ça va être trop citronné, non? Est-ce qu'on essaye? On peut l'essayer. La grolsch est déjà au citron. Le thé glacé, ça va devenir pétillant. Attention, Tania, ouvre la grolsch numéro 4. Hey David, ça va avoir servi hein, ton 4-pack de bière? Ben oui. Sans alcool, on le répète. Sans alcool, oui. J'ai comme fait moitié-moitié là, de mon côté. Déjà que la grolche est moitié-moitié bière et limonade, en théorie. Donc, là, ça va faire comme trois quarts de tiers de. On va aller courir un marathon, moi, après ça, au ça nombre de sucres qu'il va y avoir dans moi. Mathieu, est-ce que tu as fermé le micro magique? T'as un peu, là, j'étais en train de me verser mon verre. Non, je l'ai pas fermé. Là, je l'ai fermé. On est prêt. Je l'ai mis à peu près, bon aussi, moitié-moitié. On Allons-y. Fait ça loin, loin, loin de tout équipement. On est prêt? On est prêt. C'est encore meilleur. Oh, miam! C'est vraiment excellent. C'est très bon. On vient d'inventer une recette, je pense. Ouais, donc Grolsch, dans le fond, c'est le conseil qu'on donnerait à Grolsch, c'est de mettre plus de citron encore dans leur affaire et moins de bière encore. Ah, ben oui. Ou tu fais une bière au thé. Au thé, oui, oui, oui. Un peu comme un half and half, là, quand tu as thé glacé et limonade. Ça pourrait être un peu la même chose, mais half and half de half and half. Oh! Ouais. Non, peut-être un thé déjà citronné avec de la bière, mais quelle bière serait appropriée? Est-ce que ce serait une blanche davantage? Oui, probablement. Ouais, c'est ouais, une clairement. Blanche. C'est une noire. Tu mélanges pas ça à grand chose. Non, pas une bonne, mais mettons un thé sucré avec de la blanche parce que la blanche a un petit côté à cause des agrumes que ça a apporté dans la blanche. Absolument. Donc, moi, je dis que j'aime bien ça. Est-ce qu'on essaye le. Ah, faut finir nos verres avant de pouvoir goûter à celui à la framboise. Ouais. Hein? On cale. C'est difficile, on cale. C'est David, il a été cul sec. On aime ça. Hey boy! Ça va nous faire comment est-ce des que vous êtes capable de faire ça, vous? Ben trop de pétillant pour moi. Reflux. Ben, on prend le verre et on met le liquide dans la bouche. Dans la bouche, ben oui. Mm-hmm. C'est à peu près ça. Donc, David, si tu veux... Mais ça vraiment pétillant? Ouais, mais on est habitué, nous, à du pétillant. Toi, tu bois rien qu'il y a des bulles dedans. Ah! N'est-ce pas? C'est vrai. David, je te passe mon verre pour essayer celui aux framboises. Ah! Voilà, donc on est prêt pour... Tania va se prendre un petit peu d'eau, je pense, non? Mais je vais vous rincer les verres. Ah, Effine, rince nos verres. T'es sûr que c'est de l'eau qu'il y a dedans? Je vous promets que c'est pas de la vodka. On fait de la radio tout à fait visuelle en ce moment. Oui, vraiment. C'est là que j'aurais pu filmer, mais... Mais non, c'est pas grave. Ça sert à quoi de filmer si on peut vivre l'instant présent dans nos têtes? Tellement. Bon. On a dit qu'on faisait ça de chez nous. Vos verres sont tous... David, laisse-moi ton verre, faut que je le remplisse. Ah, c'est vrai. On rappelle qu'on goûte au thé glacé Gold Peak. On a goûté à celui au citron, savant naturel. Maintenant, ce sera celui à la framboise que Tania nous déballe à l'instant. C'est un petit clash comparé à la sorte au citron. Ouais. Ah ouais? David a déjà goûté à celui genre à la framboise. Genre un clash framboise. Négatif ou... Ben, c'est déstabilisant au début. Quand t'es pas habitué à des saveurs exotiques, tu peux dire ça comme ça. Mais là, les framboises, ça pousse d'un champ à Sainte-Marthe, là. Y a rien d'exotique là-dedans. Mais j'avoue que dans du thé glacé, bon, là, ça devait vraiment fait. C'est ça. Tu sais que dans les années 20, un Québécois qui allait à Paris, il se faisait traiter d'exotique. Ouais. On appelait, il y a eu un mouvement, justement, un courant. Ouais, mais tu connais pas le premier maire de Trois-Rivières. Fait que lâche-moi l'histoire de Paris. Ben, c'est Monsieur Dumoulin. Monsieur Dumoulin. Pierre-Jean-Baptiste Benjamin. C'est quoi? C'est subtil. C'est Jean-Benjamin Dumoulin. Jean-Benjamin Dumoulin de chez Dumoulin Électronique. David, ça, c'est celui à Mathieu. OK. Je parle comme une fille qui a bu 42 bières puis il était désalcoolisé. Ça va bien, mon affaire. Merci. Imagine avec de l'alcool. Hey, ça serait drôle. Comprends-tu pourquoi je bois sans alcool maintenant? Là, évidemment, on mettra pas de grolsch là-dedans, je pense. Non. Ça serait bizarre. Ça serait bizarre, puis on va arrêter de manger des chips au curry. Au curry. Ça fait pas. Les chips au curry sont délicieuses, mais ça fait pas vraiment avec le reste. Non. OK, donc... OK, ça sent la framboise. Oui, OK, attention. Oui, ça sent la framboise un peu, mais même que... Moi, avec tout le monde. Ouais, je trouvais que ça sentait un petit peu la... C'est bizarre parce que ça dit saveur naturelle de framboise, mais... Ça sent les bonbons. Ça sent les bonbons à la framboise, ça sent les jujubes à la framboise, mais c'est supposément des saveurs naturelles. On va voir si ça va goûter comme les bonbons. On goûte. Ben, c'est pas pire. Hein? C'est bon. Ben, ça goûte un petit peu la framboise, c'est pas trop intense. Hein? C'est vrai. C'est un petit peu le côté sucré qui vient enrober la gorge. Mais c'est subtil quand même. On sent plus, je trouve, le thé glacé. Est-ce qu'on goûte le thé en tant que tel? L'autre, tantôt, on goûtait vraiment bien le thé. Mais moi, goûte plus la framboise, je trouve. Ben, si tu prends le temps de le sentir, oui, il y a un petit fond subtil de thé, mais on le sent, tu sais, c'est pas... comment ça s'appelle, l'espèce de jus qui est pas vraiment du jus, c'est vraiment un punch... Du Minute Maid ou quelque chose comme ça? Non, c'est vraiment fruité, je pense. Ah mon Dieu! Le jus fruité. Qui jouait là, dans Fureur. Oui. La fureur. C'est des bouteilles prisme rectangulaire. Exactement. Ouais, hey, tous les enfants voulaient ce ben, jus. Là. Le jus radioactif. Tous les parents refusaient. Avec mais raison. Vous, vous goûtez plus la framboise que moi, j'ai l'impression, parce que moi, je goûte vraiment plus le côté thé glacé. Non, il y a vraiment le côté thé, mais froid, on dirait que le côté framboise sort encore plus. Ouais. Pourtant, il n'est pas si froid que ça encore. Hein. Mais bon. Je l'aime bien. Ben, moi aussi. Ouais. Je dirais que pour les deux ensemble, je vais y aller encore pouce en l'air. On a beaucoup de succès aujourd'hui. Hein. Pouce en l'air pour David aussi. Pouce en l'air. Pouce en l'air. C'est gagnant. On aime ça. Ouh! Wouhou! Yeah! Tiens, est-ce qu'on est rendu? On va écouter une autre pièce musicale. On a le temps de le faire aujourd'hui. On a tellement de nouvelles entrées à entendre. Pourquoi pas? Donc, du côté francophone, on aurait une nouvelle entrée de Zouz. Parles-tu de Uber? J'embarque ma chère comme dans un Uber. Oh. Vous êtes à l'assemblage requis. Une grosse pointe dans le reste, le potluck numéro 2. Dans la fois, c'est Uber qui nous traite de Zouf. C'est Uber ça. Reeves qui nous traite de Zouf. Zouz. Ah, ça a fait, il y a un F. Ah, tu n'es pas sérieux. Toujours dans l'édition spéciale. Comment, David, excuse-moi? Zouz. Trop le fun. C'est l'édition potluck d'une grosse pointe en dresse. Tout le monde a du fun à date? Oui. On a beau être vraiment chill et très, acoustique dans notre et formule. Très rempli, là. Très rempli, on a beaucoup mangé. Je commence à être pleine. On a mangé des chips au curry, le choix du président. On a bu de la bière grolche à la limonade. On a mangé de la pizza avec Martin Lambert, All Dress, pour la première fois en 3-4 ans de chronique. Oui, on a vraiment mangé de la grosse pointe All Dress. C'est vrai. C'était la première fois. Il pensait qu'il n'était pas original, mais il l'était au bout. On a bu du thé glacé Gold Peak il y a quelques instants. Il nous en reste encore pour pouvoir continuer de partir pour encore une heure. Il nous reste le dessert à faire, mais pour ça, on attend le retour de Martin Lambert. Pour l'instant, on va continuer, en fait, avec des nouvelles. Des nouvelles de McDonald's. D'accord. Nouvelles de McDonald's. Donc, on va commencer avec McDonald's qui va enlever... Ah, tiens. Oh! Martin Lambert. Martin Lambert est de retour! Oui! pour pouvoir commenter Bonjour. Avec nous ces nouvelles de McDonald's. Ça n'a pas été long ta petite réunion finalement? Non, non. Bien été. Donc McDonald's qui va... Comment, excuse? Ça n'a pas marché comme je voulais. Ça n'a pas marché. Viens manger des chips, c'est rassurant. Manger à moi, manger mes émotions. C'est ça qu'on fait. Donc, on est dans une thématique McDonald's dans le bloc de nouvelles fast-food. Ah, bon, commençons ça. Avec les saveurs artificielles qui vont être retirées des crèmes glacées chez McDonald's. On adore ça. Maintenant que McDonald's commence à sortir des machines qui fonctionnent, comme on a parlé il y a quelques semaines à l'émission, CNBC nous dit qu'ils vont améliorer la crème glacée elle-même en enlevant les saveurs artificielles graduellement de sa crème glacée à la vanille. Représentant de chez McDonald's a confirmé le changement qui sera pas, ce sera pas mentionné à grand déploiement sans, tu sais, ouais. ils vont juste le faire tranquillement. Ils disent que la crème glacée n'est pas la chose la plus vendue dans les restaurants, même que c'est utilisé, on dit que c'est utilisé dans 60% des desserts de la compagnie, mais quand même. Donc les restaurants McDonald's disent que la crème glacée n'avait déjà pas de couleur, de colorant artificiel ni d'agent de conservation. Donc là en plus ça va devenir encore meilleur en n'ayant pas de saveur artificielle. Mais je me demande si ça va être plus cher. Ils vont retrouver ce prétexte-là pour bumper le prix des crèmes glacées. C'est une bonne question ça. Ouais, possiblement. Ouais. Mais on sait que les un peu comme les slush dans les dépanneurs qui sont vendus vraiment pas cher parce que c'est des enfants qui les achètent. Peut-être que la crème glacée, vu que c'est le public et les enfants, des fois les trucs pour enfants coûtent beaucoup moins cher que les trucs pour adultes. Donc peut-être que non. Peut-être. Peut-être que non. Ah. On verra. Ensuite, McDonald's retire une publicité qui suggérait que ses filets de poisson pouvaient guérir un enfant de sa tristesse. Ah oui, j'ai entendu, c'est vraiment de mauvais goût. Ouais. C'est de mauvais goût. Est-ce que tu l'as vu, la publicité? Je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu à la radio et c'est de très mauvais goût. Ils ont volé le punch. On va écouter ça, va juste pour le fun. Okay. Donc, un garçon ouvre une boîte de carton dans sa chambre, assis sur son lit, voit une montre. Une montre avec des aiguilles. Il ouvre une boîte de lunettes. Un étui. Il ouvre un carnet de notes avec des gribouillis sur le côté. On voit la face du garçon en plan rapproché. Il entre dans la cuisine, il dit « Maman, oui, fils, comment était papa? » Là, la mère est toute, tu sais, un petit peu triste, mais avec un petit sourire en coin. Donc, il dit qu'il aimait se coller, t'es super grand. Et là, ils sont en train de marcher dans la rue. Always smart. Il était toujours intelligent et ses souliers. So shiny, ses souliers étaient toujours brillants, on pouvait voir son visage dedans. Donc là, il va au parc en train de s'amuser, mais en étant triste et mélancolique. Yeah, it was good. Ballon rebondit, le garçon va le botter, mais est un petit peu maladroit, retourne voir sa mère. Sa mère continue la description de son he père. Liked techno. Il aimait la musique techno, dit le petit he was right catchy, dad. Il était un très bon homme. Well, with all the girls. Il sortait avec tout plein de filles, le petit garçon regarde les filles. Il avait des yeux bleus comme moi. Brown. Non, ils étaient bruns. Ils arrivent chez McDonald's, prennent leur petite patate frite, un petit filet de poisson dans sa boîte. Oh, c'était le préféré de ton père aussi. Tartar sauce. Avec de la sauce tartare. Et là, le fils essuie sa sauce tartare de sur sa bouche. Et ça termine comme ça. Pourquoi mauvais goût, donc? Je la trouve pas si pire que ça. Ben, c'est tout, le côté de comparer. Regarde, ton papa était tellement mieux que toi, on dirait. C'est comme... OK! C'est de même que tu le vois, ça. Parce que je pensais que le côté inapproprié, c'était de vendre du fast-food sur la mort de quelqu'un. Ouais, ben, c'est parce que je pense que c'est pour ça qu'ils disent que c'est de mauvais goût. C'est que comme le petit gars, il est triste que son père soit plus là, puis là, il offre du McDo. Ouais, mais en tant que tel, c'est juste un lien. Il mange ses émotions. Ouais, c'est ça. C'est celui-ci, comme Martin présent. Moi, je vois aucunement le problème là-dedans. J'ai absolument pas de problème. Ben, c'est ça. En fait, ce qui a fait scandale, c'est pas nécessairement le fait qu'il mette dans... En fait, c'est qu'elle compare son père à de la sauce tartare. Mais comme il dit, regarde, tu pognes pas près des filles, t'es pas bon dans le sport, mais au moins il y a McDo pour te consoler. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Je comprends. Quand la fille disait ton père était bon en sport, le gars était maladroit avec son ballon quand je le décrivais. J'avais pas réalisé la différence entre le père c'est et ça, le fils. C'est ça, c'est comme la comparaison que sa mère fait tout le temps, de manière insidieuse. Là. Je vois maintenant. Mais ça ne me dérange toujours pas. Bref, allez voir la publicité sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Le filet de poisson existe encore chez McDonald's. Je vois jamais personne en prendre, mais ça existe. Moi, j'en mange. Fille qui t'en manges? Ouais. Ouais. Pour vrai? Ouais, c'est bon. Une britannique. Oui, c'est bon. La sauce tartare est super bonne. Une végétarienne. Ah. Ouais, parce que du poisson, c'est du poisson, c'est végétarien. Ouais, mais elle mange du poisson. Elle est végétarienne avec certaines exceptions. OK. Ouais. Elle est végétarienne. Non, elle mange pas de viande rouge et de poulet. David, je te regarde avec les chips, fais attention. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez entendu parler, là, bon, je sais qu'on parle d'une thématique McDonald's, ça se peut que vous ayez entendu ces nouvelles-là à quelque part, mais McDonald's a inventé la fork. Est-ce que vous avez vu la fork, la fourchette avec des frites au bout? Non. Donc l'idée, c'est que lorsque vous mangez votre burger, souvent, vous allez faire tomber un peu de sauce ou de la garniture Hein, ça arrive de temps en temps. Donc la frog, c'est un manche à fourchette, mais sans les dents. Il faut glisser quelques frites dans le morceau de plastique et vous allez pouvoir saucer tranquillement et porter les frites à votre bouche. Attends, là, c'est tellement plus long parce qu'il faut que tu les mettes dans la fourchette. Mais tu sais que tu vas porter des gants de vaisselle pour pas salir tes doigts. Mais oui, précieux. Mais franchement, ils ont des beaux burgers, par exemple. Oui. Ça ressemble pas à nos burgers de chez McDo habituels, ça. C'est pas mal une pub, hein, c'est ça? C'est donc, pour ça. Présenter leur invention, McDonald's a fait appel à Anthony Sullivan, le présentateur de publicité, tu sais, d'infopubs qu'on voit souvent, même au Québec, doublé en français tout le temps. Donc, c'est un très populaire animateur d'émissions d'infopublicité. Donc, les gens pouvaient gagner leur fork et d'autres sont proposés avec des commandes contenant des burgers signature. C'était le 5 mai dernier dans les restaurants McDonald's qui participaient à l'opération au Royaume-Uni. Mais ça existe pour vrai, c'est pas une parodie. Sérieusement, là, ça va pas mieux. Ouais, c'est n'importe quoi. Ben moi, ils font des tests, c'est comme stupide là, à quel point ça ramasse absolument rien. C'est comme... Get two for the price of one. Et voilà, c'est ça. Mais il faut payer un prix spécial pour le frais d'envoi du deuxième produit. Mais et oui. C'est toujours en dollars US. Est-ce que vous avez remarqué que les publicités de ces temps-ci, d'infopublicité, sont tout le temps en dollars US, mais les frais d'envoi sont en dollars canadiens? Ça marque 20 US plus frais de manutention canadien. Ah non, je suis pas très attentif à ces pubs-là, moi, Mathieu. Par contre, toi, tu sembles avoir de l'intérêt. Ben oui, ben c'est parce qu'à la chasse-galerie, c'est tout le temps les postes de sport qui jouent. C'est vrai. Et ça marque tout le temps dollars américains. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué dans le coin en bas à droite, genre c'est marqué livré à partir du Canada. Ben pourquoi tu me charges en dollars US d'abord? Mais c'est comme d'abord. Les c'est comme les chansons Ben Kemp. Hey, je vois une femme d'importance okay, croisée, oui, Marilyn. D'importance oui. Dans la vie. Marilyn, est-ce que t'as 30 secondes ou 2 minutes? T'as du temps? Viens t'asseoir, s'il te plaît, Marilyn. C'est viens l'idole t'asseoir. De mon estomac. L'idole de toute une génération d'enfants. Oui, exactement. Après Passe-Partout, il y a... Non, va dans le milieu, il là. Il y a Marilyn. S'il te plaît, va dans le milieu, après Passe-Partout, il y a Marilyn. C'est ça. Elle vient tout juste de se lever. Ah oui, pour vrai? Ben, nous, on arrive à la chasse-galerie juste avant l'émission où on a mangé, moi, le tataki et toi, le moi, Pokéball. La première fois, j'ai pris le Pokéball et j'ai bien aimé. Salut Marilyn Doyon. Salut. C'est la chef de la chasse-galerie pour ceux qui la replacent pas. Exact. C'est avec la casquette, avec des flamants roses, des fleurs, des. Et ses lunettes on à sait pas trop. On sait pas. On sait pas trop. Bref. Des fleurs. Mais reste avec nous parce que dans quelques minutes à peine, après cette section-là, on va pouvoir goûter à notre dessert de l'émission d'aujourd'hui. C'est le fun, hein? Ouh. Ça te tente-tu de goûter un dessert? Mais pour l'instant, on parlait de McDonald's, toi qui aimes tant ça. On est revenu sur le même sujet qu'il y a quelques semaines avec toi. Donc, on parle de McCroquette maintenant. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans qui a été arrêté par la police à New York. Son crime était d'avoir menacé une fille de 13 ans avec une arme à feu pour qu'elle lui donne une croquette de poulet. Mais voyons. Interrogée par le New York Daily News, la jeune fille a déclaré que le garçon lui avait d'abord demandé une croquette de poulet à l'intérieur du McDonald's de Harlem à New York. Après avoir refusé, elle s'est dirigée vers la station de métro où elle s'est fait rattraper par son interlocuteur qui a dégainé une arme avant de la menacer, toujours pour sa croquette de poulet. Là encore, la jeune femme a refusé, balayant le revolver au loin avant d'embarquer dans son métro. Le garçon a été interpellé, mais l'arme n'a manifestement pas été retrouvée, même si plusieurs témoins affirment l'avoir vue. C'est tout un film, cette histoire-là. Hey, hein? Pour des croquettes. Tu parles d'une nouvelle? Mais il y a une nouvelle, peut-être. On se créerait à TVA. On se croirait à TVA. Mais peut-être que vous êtes au courant de la nouvelle, mais c'est un gars qui est fan des croquettes Wendy's. Oui, ben oui, sur Twitter, il s'est fait retweeter et ça a fonctionné, puis il y a des croquettes de poulet pour un bout. Mais non. Ouais, oh, oui, parce que dans le fond, il a demandé à Wendy's combien de likes à mon statut faudrait que j'aille pour que vous me donniez des croquettes gratuites toute ma vie. Ouais. Mais finalement, ça a l'air qu'il n'a pas nécessairement atteint le nombre parié par Wendy's, mais le tweet a tellement fait d'effet que Wendy's se dit « Bon, c'est correct. » On va t'en donner pour une semaine. Ah, on le comprend, Wendy's, pour vrai, tant qu'à manger du fast-food, Wendy's peut IW. Hein? Ben oui. Il n'y a pas de Wendy's ici, là. Il y en a à Montréal. Ouais, mais moi, la seule fois que je suis allée au Wendy's, là, j'ai été malade. Hey, tu te donnes envie d'en manger. Ouais, c'est ça. Marilyn, est-ce que t'as envie de goûter à tous nos produits qu'on a goûté depuis le début? On veut ton opinion de chef. C'est des chips au curry. C'est excellent, pas ça. Chips au curry thaïlandais. On va interrompre les nouvelles et on va regarder Marilyn goûter à nos produits depuis le début de l'émission. Hey, papa. Non, au curry, on rappelle que c'est une chef. Chef d'expérience. Justement, on va avoir un bon avis. Verdict. Merci. Faut entendre le son. C'est très bon. Ouais, c'est hein. Bon, hein? Ça goûte, on dirait une soupe thaï. Une soupe thaï. Ouais, exactement. On a tous dit la même Monsieur. Chose. Merci. On n'a plus de bière. Est-ce qu'il nous reste encore de la bière? Non. Mais pour vrai, la dernière bouteille, elle est vide. Ben, on n'a pas ouvert la quatrième tantôt. Ben, ah, oui. Voilà. Donc, voilà. Ça prendra un verre. Prends-toi un verre. Mais non, hein, même la canette. Ah, même la canette. Ah, vas-y, on est pas restés à regarder même. On est tous rendus dans la même famille. C'est la grosse au citron. C'est de la bière non alcoolisée. Qui vient, c'est quoi? C'est néerlandais. Néerlandais, ouais, des Pays-Bas. Voilà. Tant mieux qu'il n'y ait pas d'alcool, pas parce que j'en ai pris assez hier. Ben oui, tu te remets tantôt, hein? Tu dormais tantôt? Oui. Elle goûte la limonade, hein? Ouais. C'est assez. Aimes-tu ça? C'est léger. Léger quand même? Oui. Good. Après ça, qu'est-ce qu'il nous restait? Le thé glacé. Le thé glacé. On peut pas goûter, tu peux pas goûter à la pizza que Martin Lambert a fait parce que là, ça fait quand même un petit 2 heures qu'on a goûté à ça. Mais prends-toi un petit peu de thé glacé pour voir. T'as l'original ou aux framboises? Framboise. Framboise. Ah, ça, j'ai pas goûté à ça, moi. Non, t'étais pas là. Framboise? C'est de la bonne radio. Hein? Ça goûte effectivement le thé. Voilà. Pas trop sucré et pas... On est quand même... On a un consensus particulièrement là, intéressant. Faire, on va faire l'échange de bouteilles. Martin, celui à la framboise, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça, j'ai pas aimé ça. Non? Non. C'est sucré. Oui, oui, ça... Non, c'est très, lui, très, sucré. Très artificiel. On le rappelle, Martin, c'est un homme salé. C'est ça. Et on a dit aussi que c'était des saveurs naturelles, donc ça a beaucoup goûté chimique, c'est supposé être de la vraie framboise. Oui, c'est vrai. Celui-là est meilleur, par contre. Celui au citron. Oui, lui est meilleur. Mais il est plus traditionnel. Ouais. Oui, mais plutôt non. Plutôt vrai thé. Oui, mais non, aux framboises ou aux fraises, le blanc. Framboise, blah, blah. Mais là, je vais dans un Marlène autre... semble perplexe. J'ai pas tant le goût de la framboise. Peut-être à cause de la poutine que je viens de manger non, ou le curry, là, mais... J'ai dit la même chose, c'est un des non-consensus qu'on a eu tantôt. Les deux, David et Tania, trouvaient que ça goûtait la framboise. Moi, je trouvais que ça goûtait plus le thé glacé. Ouais, j'ai de mon avis. Ben, il y a un petit arrière-goût de thé, mais c'est sûr que c'est la framboise qui est prédominante. Peut-être que vos papilles gustatives les plus développées sont pas à la même place que nous. Peut-être. Et j'aime aussi que David ait dit... qu'est-ce que tu viens juste de dire, maudit, je l'ai oublié. Ben, en fait, la framboise... Elle domine sur le thé, mais le thé, on le sent un petit peu, c'est très subtil. Faut vraiment prendre le temps, parce que la framboise embarque par-dessus amplement. Moi, je goûte c'est plus bon. Le thé, tu vois? Ouais. Jamais autant analysé un thé glacé de ma vie. C'est le but de l'émission. Et justement, on va terminer avec le dessert. On veut pas on ne veut pas empêcher Marilyn de vivre et son métier de chef. T'as le temps? Ben oui, j'ai le temps. Yeah! Ben, ça veut dire qu'on va prendre une pause! On va passer au retour le dessert à une grosse pointe en dressant ça. Hey, c'est agace, ça. On se croirait à TVA, pour vrai. Pareil. Ah ouais. T'as le bar à qui? Sondage qui et toi aujourd'hui. Toujours une grosse pointe d'adresse, c'est le potluck d'Assemblage Rocky, édition numéro 2. Alors, on a fait ça la dernière fois en décembre, on a eu beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, Tania Baudin? Oui, tout à fait, Mathieu Plante. Et nous sommes là pour une deuxième fois. David Ferreux toujours avec nous. Salut! Martin Lambert est présent. Là. Et Marilyn Doyon qui vient d'arriver il y a quelques instants à peine, oui. Qu'on a gardé pendant la pause parce qu'elle a le temps. Faut croire. Et voilà. Elle a un petit 2 minutes elle à faire. Elle a fini sa sieste. C'est ça. Oh. On a le divan si tu veux finir la sieste de tantôt. Génial. Je pense que la dinette est plus confortable. La dinette? Oui. Celle de repos. La dinette, t'as dit une sorte de yoga. Non, ça c'est Danette, je pense. Ouais. Bref, on est là tous ensemble, Danone. Ouais. On est là pour manger un dessert, parce qu'on arrive à la fin, dans la dernière heure, il nous reste peut-être une quarantaine de minutes, cinquantaine de minutes. Et j'ai apporté quelque chose qui se mange assez bien en gang. C'est un dessert, c'est pas quelque chose de fancy, là, même que c'est quelque chose d'assez bas de gamme. Mais j'ai amené les Chips Ahoy, sucre et cannelle. Ça, c'est bon, ça. Oh! Tout le monde aime ça? Sucre et cannelle? C'est bon, sucre ça. Et cannelle. Ouais, c'est impressionnant. J'ai vu ça, j'étais comme « Ah, ouais! » Tu m'attires, là, cannelle! Et ce sont des minces pour qu'on se sente moins coupable d'avoir mangé quelque chose. Mais d'avoir mangé autant. Ce que je trouve ça drôle, c'est qu'il précise sucre. Oui, il précise, j'avoue. C'est vrai. Ouais, c'est mais tout le temps au sucre. Petit sucre. Ouais, du sucre à pâte. À sucre, poudre. Hein? Surprise! Ouvre ça, ouvre ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est mince et croquant, à la place d'être épais et j'imagine mou. Peut-être. Je sais pas. C'est pas mal ce qu'on voit à l'avant. C'est marqué nouveau, donc j'imagine que c'est nouveau, hein, parce qu'ils mettraient jamais le mot nouveau pendant 2 ans après la sortie de produit. Mais non, voyons, ils font jamais ça. Ça contient du blé, du lait, du soya et de l'avoine. Ah, c'est santé. Non, c'est santé. Ouais, ceux qui peuvent être allergiques à ça, c'est dit. sinon, bon, parmi les ingrédients, bon, ça commence par de la farine de blé quand même. Deuxième ingrédient, sucre doré et sucre. OK. Ensuite, brisure de friandises. Brisure de friandises. Ensuite, du shortening. Ouais, ouais. Ensuite, de la cannelle, fibre d'avoine, sel, pour faire sortir la saveur, hein, n'est-ce pas, Marianne? Et voilà. Et voilà. Ensuite, le reste, c'est des ingrédients avec des noms pas d'allure. Et c'est fini par de l'arôme artificiel. C'est par la compagnie Mondelez International, importée par Christy Brown & Company, parce que c'est bien sûr la compagnie Christy Bon Biscuit, qui est dans le coin. Ben oui. C'est leur slogan, je pense. Ça? Mais c'est M. Christie, tu fais des... Bons biscuits. D'excellents biscuits, ouais, t'as raison. En tout cas, c'était ça quand j'avais 5 ans. Ouais. et ça nous précise que c'est 150 calories par 30 grammes. 30 grammes, ça veut dire combien? Ça veut dire 4 biscuits. Ah. Oh, ah. Ouais! On se lance des... C'est mince. C'est des minces. C'est après à deux, on t'écœuré. 4 biscuits chaque pour pouvoir faire nos 150 calories, c'est bon. Mais on ne soupe pas ça. C'est ça. Ouais. Faut que tu tiennes ça avec un doigt, sinon tu casses les biscuits. Et voilà. Je passe le paquet vers Tania, s'il te plaît. Martin, si tu veux bien... goûteuse. Dans le... Dans ton micro magique. Bien sûr. C'est le fun. On a juste à soulever. Oui, j'ai des petits paquets faciles qui sont pas tellement refermables comme faut. Faut que tu déchires les petites bandes qui vont faire... Clac! Voilà. Oh! Ça va pas être facile. Oh, avez-vous entendu le... Je sais pas si tu es capable le petit collant. Oh. Non. C'est... Oh! Hey, ça sent le sucre. Ouais. Ça sent pas cannelle? Tu sais, là, les petits kangourous qu'on trempait dans ça. Ah, OK. Les petits pour enfants, là, oui. Ça sent. Les Dunkaroos qu'on appelait, je pense. Dunkaroos. Je vais en prendre un. Je le passe à Martin. Oui. J'en prends aussi. Ils sont très minces. Oui. Très minces. Ah, il a pris un moitié, là. Une moitié. C'est pas une moitié, mince. C'est un biscuit complet. C'est sûr que tantôt, merci. Tantôt, en prenant le paquet, puis en. Tantôt, en prenant le paquet. C'est moi ou il y a du chocolat dessus? C'est toi. Ben, il y a des brisures. Ouais, c'est des brisures de sucre qui est marqué. Ben, c'est ça, il y a du sucre doré. Des mots juste de gros moteurs de sucre, là. Non, non, mais ça, c'est des brisures de chocolat, ça. Ouais, je pense que ouais. C'est ça, chocolat blanc. Brisures de chocolat blanc, là. Ouais. Possible, je l'ai pas lu dans les ingrédients. Ça peut-tu être du sucre à la crème, juste. Ouais, ça peut être. Ouais. Des genres de cubes de sucre, si on veut. Ça sent comme les biscuits à l'avoine. C'est vrai, mais les Dunkaroos de Tania tantôt, c'était particulièrement réussi comme comparaison. David, inspire-toi de ces comparaisons. Peut-être qu'il y a des analogies comme ça. Ça sent les petits biscuits à cannelle, moi j'aime ça. Ah, biscuits à cannelle. Ouais, biscuits à cannelle. Moi je me mets ça tout au complet dans le. Dans le temps des fêtes, les bonhommes pain d'épices. Là, tu goûtes pas. Oui, bonhommes pain d'épices. Toi, tu y vas tout de même d'un coup. Ok, la moitié. Le brisé, le chocolat, ça. Tu penses? Moi je trouve que ça fait vraiment pain d'épices, là, vraiment. C'est un peu surette. Basic. Le petit. Ouais. C'est à cause du sel. Ah, c'est ça, moi. Des petites pépites de yogourt, tu penses? Tu trouves ça surette? Ben, ça s'appelle chips ayoy. Ayoy! Ahoy! Moi, automatiquement, il y a des pépites quelque part. Peut-être. Mais je trouve ça vraiment bon, mais basic, tu sais. Ben, c'est la texture, c'est vraiment pas épique. T'as l'impression de que ton morceau, il passe vite. Ouais. T'as quasiment... Tu vois? Contrairement à des biscuits au chocolat, là, moi, je passerais au travers d'un paquet de même. Ah oui? Moi aussi, je pense. Ouais. Les chips Ahoy, là... Briseux le chocolat, là. Ouais. Le classique. Ben oui. Les gros, là, pas les petits minces de main. Trempé dans le lait, là. C'est vrai, hein. Bobaille le biscuit. Bobaille le biscuit. mais ça, là. Moelleux en plus, celui-là. Oui, un, c'est suffisant. David essayait de nous dire tantôt que t'étais un fan de salé plus que de sucré tantôt, c'est bien ça qu'il a dit? Oui. Ouais, mais t'aimes les chips à. Mais on a quand même des petits côtés faibles. C'est ça. Si j'ai le choix, je vais prendre le salé. Moi, je la goûte pas tant que ça, la cannelle. Je goûte vraiment plus le sucre. Ouais, moi avec. Ça sent plus. Ben, il y a un petit côté. Ouais, il y a un petit côté avoine. Ouais, il aurait peut-être pu doser un petit peu mieux la cannelle versus le sucre. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est réussi quand même. Et je pense qu'à date, là, on a que des produits qu'on a aimés. Ce qui est le fun. Moi, je mets mon pouce en l'air pour ça facilement. Moi aussi. Alors, David le met sur le côté, c'est la première fois de l'émission. Oh. Tu mets aussi sur le côté, Martin. Ouais, ouais. On est partagé sur celui-là. OK. Comment ça, parce que c'est pas salé? Ouais, c'est quoi les désavantages, les points contre? Ben, c'est pas bon, ce biscuit-là. Ouais, mais faut mettre le pouce en bas. Il y a pas assez de sel. Non, mais je veux dire, c'est pas bon. C'est pas bon, mais ça manque de consistance. C'est pas assez. Mais c'est parce que t'as droit à 4. Mais as-tu essayé d'en prendre 4 en même temps? Non. Ouais, c'est ça. 150 grammes. Ça donne un chip à feuille normal. J'aime mieux l'original. Ah, t'es traditionnaliste. Après ça, t'as manqué notre nouvelle sur les chips au beurre tantôt. Conservateur. Non, pas tant, mais je sais pas. J'ai pas. Pas mauvais, là, mais je me suis pas régalé. Tu vas pas te garocher là-dessus pour en acheter. Mais j'irai pas sa nouveauté. En pharmacie, en pensant que je me suis procuré ces biscuits-là. C'est pour ça que c'est pas bon, c'est en pharmacie. Ah! C'est sous prescription. Ça coûte les médicaments. C'est ça. Une dose de 4 biscuits par jour éloigne le médecin pour tout. Ah non, oui. Moi, j'en mangerais 4 trempés dans le lait. Oh, ah. Mais du lait sans lactose. Mais tu vois que ces biscuits-là sont trop minces pour être trempés, je trouve. Oh, ouais. Tu trouves que tu trempes pas de Milan, là, tu le trempes. Mais tu sais, j'aime bien. Tu fais une saucette. Avez-vous déjà trempé vos biscuits dans du yogourt, mettons, à la vanille? C'est super bon. Oui. Ça marcherait jamais avec ça. C'est trop, je faisais ça avec, tu sais, les gaufrettes qui étaient remplies de mou quand on était jeunes. Ça, c'est les gaufrettes qui font oui. Les gaufrettes qui étaient remplies de mou. Oui, il y en avait des rouges, puis il y en avait des normales Les qui brunes, goûtaient absolument rien, qui étaient vraiment plates. C'est bon, ça. Non, moi, t'as jamais mangé ça, Marlène? J'ai pas, j'imagine juste des macarons présentement. Ah, des rouges et. Non, des gaufrettes. Marlène, là, c'est parce que vous le savez pas, mais. Oui, grand-maman! Oui! Pour devenir chef, Marlène a été élevée sur le caviar et le vin rouge. C'est ça l'affaire. Ça, le caviar, c'était en collation, là. Oui, c'est ça qu'elle amenait à l'école. Pour imiter ces gens de la classe moyenne, elle mangeait du caviar en pensant que c'était ça que les pauvres mangeaient. C'est tellement sophistiqué. Ça marche pas de même. Puis les autres prenaient des noyaux de papaye. Là. De papaye. Martin Lambert aime les cœurs pas d'artichaut, de palmier. Oui. Fait que tu vois. Ouais, de la nourriture en canne. De la classe moyenne. Oui. C'est vrai, mais c'est pas bon, ça. C'est excellent. Ça, c'est bon. Je sais pas. Oui, c'est bon. Est-ce que t'as déjà cuisiné ça dans tes recettes, Marilyn? Pas à Chasse-Galerie, mais oui, j'en ai déjà eu dans d'autres restaurants. Oui, c'est bon. Tant qu'à savoir, Confondu. On a déjà parlé du menu qui était en cours à la Chasse-Galerie. On rappelle qu'il dure jusqu'à... Combien de temps il dure, ce menu-là? Bon, 2 mois. Donc, il va finir le mois de... juin? Je te laisse parler, t'es bien parti. Non, il finit pas au mois de juin. En fait, vu que je pars, ben, je préfère que mon staff soit safe avec le menu. Donc, ça va être quand je reviens en septembre, il va changer. OK, donc c'est le même menu tout l'été. Oui, c'est le menu d'été. Yeah! C'est le menu estival, t'as pas lu? Ben là, comme... Elle soit à l'affût des nouvelles. Mais est-ce que le 5... En fait, le 3 à 7, est-ce que lui, il dure tout l'été? Oui, oui, ça va durer toute l'été. Ça a l'air qu'il y avait une poutine excellente. Ah oui, elle est débile mentale. On a parlé à chaque semaine depuis qu'on l'a goûté en ondes. La primeur. On essaie de rappeler qu'il ne faut pas mettre de la sauce à Big Mac dedans, par exemple. Non. C'était pas mauvais. Big Mac. Oui, ouais, Mathieu a décidé de tester ça. C'était le produit de la semaine que j'avais apporté, c'est la sauce à Big Mac. Et Marianne est arrivée avec sa poutine. Okay. Et on s'est dit, bon, on va mixer les deux, voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai trouvé ça bon quand même. Oui. Ça dit juste comment la poutine est bonne, que même la sauce à Big Mac vient pas la gâcher. OK. C'est bon. C'est un compliment, dans le fond. Mais c'est vrai que la nourriture est excellente. Oui. Parce que t'as beaucoup d'achalandage, là. Oui, c'est vrai. Oui, ça l'augmente. Là, c'est un peu plus relax. Ouais. Mais les midis, c'est aussi intense que... Que durant la session. Oui. On rappelle le menu. Salade très chère. Oui. Qui a des légumes, beaucoup, dedans. Beaucoup. Avec de la salade. Ouais. Puis du melon miel. Puis du melon miel. Du prosciutto. Ah, le prosciutto est très bon. Oh oui. On a aussi le Pokéball, qui était là avant. Oui. Que t'as mangé ce midi. Que j'ai mangé ce midi pour la première fois. Hein? Et puis? C'était excellent. Avec du petit saumon. Oui, avec du petit saumon. J'avais peur que ton petit saumon il soit fumé. Elle aime pas la fumée. Non, il est mariné. Mais c'est ça, c'était excellent. Ah oui, c'est bon. On a aussi le wrap de falafel. Oh oui. Est-ce que tu peux expliquer? Ah, ça, parce que moi, là, j'avais vu des falafels en boulettes. Comment tu peux faire ça en wrap? En wrap? Pourquoi je ne pourrais pas le faire en wrap? Ouais. Mais c'est quoi de bord des falafels pour ceux qui connaissent pas ça, là? Ben en fait, c'est une purée de pois chiches qui est mise avec coriandre, persil, avec des herbes puis des épices. Puis voilà, on fait une belle petite boule et on l'aplatit. C'est très, très bon en wrap. Et ça bourre. Oui, ça bourre. C'est important, ça. Le côté bourratif de la bouffe. Pour David, s'il veut manger juste un dîner par jour, au lieu de 4. Burger de saucisse. Saucisse. Ça, c'est un des préférés à Mathieu, si je me souviens. J'adore. C'est ma position numéro 2 derrière le tataki. Exactement. Dernier sur le menu. Sandwich de tataki. Moutardine qui est bon. On le connaît vraiment par cœur. Ça fait peur. Moutardine qui est bon. Non, mais tu sais, on est des habitués quand même. Oui. C'est quoi la petite sauce là, que t'as dans ton tataki là, qui est tellement bonne? Dans le fond, c'est une mayo avec du vin rouge puis du paprika fumé. Je savais qu'il y avait de l'alcool là-dedans. Yam! Et pour le 5 à 7, dont David parlait tantôt, qui est de 15h30 à 19h30 environ. Là. Oui, c'est ça. Rappelle-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il y a la poutine. T'as le 666. T'as des bâtonnets de fromage, il y a aussi des badgies, rondelles d'oignon et saucisses bacon à l'érable. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, et la poutine avec du Jameson. Pas de tacos, le taco, ça rentre pas dans. Les tacos, il n'y a pas de tacos. Non. Des tacos? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce que t'annonces, toi, là? Ben, le gars, il vole les poches. Ça s'appelle cafétéria, je pense. Ah, yeah. Non, mais. Il n'y a pas une. De ça, là? On va l'avoir, lâche pas la patate. Cette chose-là. Un nacho, ouais. Il n'y a pas un nacho. Ah oui, il y a les nachos aussi. Ben oui. Ah, c'est ça, son on était proches. Okay. Les nachos de poulet. Les nachos, oui. Les nachos. Chanel. T'as raison. Voilà, merci. Il n'y avait pas les hausses. Oui, merci à vous autres. Des tostitos, c'est pas ça. Des tostitos. Merci, Marilyn Doyon. Ça fait plaisir. T'as vu sur Facebook, est-ce que t'as vu que je t'ai appelé Cordoyon Bleu? Non. Tu as vu ça? Oh. Parce que c'est très drôle. Quand ça? Sur un Facebook, à un moment donné. Là. Quand on testait la poutine, je t'ai appelé Cordoyon Bleu. Ouais. Et ça me fait rire. Ah, oh, non. Mais le pire, c'est qu'elle a liké ton post. Fait que elle a juste. Non, mais j'ai liké, mais j'ai oublié, je m'excuse. T'as raison. C'est excellent gag gaspillé sur la personne qui est visée par le dit gag. Colin. Je m'en excuse. Ben, c'était pardonné, là. C'est on n'aime pas ça, les falafels, nous. Mais non, il n'y aura plus. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Ça n'a pas sorti de maître dans ma tête. Tania n'a pas compris ça comme ça. Répète ça, David, répète elle ça. Elle a enlevé le falaf. Elle a regardé le fel. Les jeunes, ça ressemblait pas mal à ça dans ma tête. T'es comme, j'ai fait comme wow. Les attends. Jeunes de nos jours, c'est YOLO. Fell, puis un cuny. C'est ça. Pareil. C'est ça qu'ils disent. Non, on est rendu dans cette étape-là de l'émission, là. Ils sont du temps. Des jeux. Exact. C'est la non-alcool de la grolche non alcoolisée. C'est peut-être le petit citron. On sait pas qu'est-ce qu'ils mettent dans le. Ça va être de s'endormir. Hey, David, ouais, on le voit plus, là. Est-ce qu'on peut faire un live de David en train de glisser sur David, vous avez jamais remarqué que David, il fait tout le temps ça. Quand il vient à Assemblage Requis, il commence l'émission, il est assis comme du monde, puis il a fini en dessous de la nage, là. Compte, mais il s'en rend pas c'est compte. Vrai. C'est parce qu'il n'y a pas ses parents pour dire David, assure-toi comme ça. Non, en fait, c'est que c'est le pas du mépris de Mathieu qui pèse. Oh! C'est bon! Il est rendu quasiment aussi vite que moi sur ses patins d'insultes. Presque. Quand j'ai pas de rue. Ouais, c'est ça. Ça vient un petit peu moins vite. Des choses que. Bref, Marilyn, Cordoyon Bleu. Oui. Merci. De rien. Tu peux la rire. Ou non. Tu fais bien ça, je trouve. Merci. Bon, retourne nous écouter aux toilettes maintenant. Oh, mais t'es toujours le bienvenu dans nos ailes. La bienvenue. Ouais, je sais pas, ça, c'est la carte des bienvenus. Accorde-le, tu vas être safe. C'est mieux que de pas. Il fait de remettre la chaise à sa place. Oui, tout. C'est ça. Cool. On va écouter une petite pièce de Colorado, nouvelle entrée du côté anglophone. Voici Born Yesterday. On n'est pas né d'hier, puis il nous reste encore un petit peu de temps, donc une demi-heure environ à l'émission. Restez avec nous. I'm sick. extrait Born Yesterday à Assemblage Requis. On prend une petite pause et au retour, ben, crime, il nous reste une demi-heure environ. Des surprises, des nouvelles peut-être. Et on va finir de manger ce qu'on a. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours une grosse bonne d'adresse, c'est le potluck numéro 2 à Assemblage Requis et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, il nous reste seulement David Ferron qui reste avec nous jusqu'à la toute fin de l'émission. Début à la fin, t'as été là, David, merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité. C'est super fin. Martin Lambert nous a quittés entre-temps. Oui, nous a abandonnés. Oui, Marianne aussi, absolument. Ah. Mais c'est pas grave, il nous reste encore une petite demi-heure et ça va nous donner l'occasion de parler de nouvelles de fast-food encore une fois. On était en train de parler de McDonald's tantôt et j'ai envie de continuer sur le même sujet. Pourquoi pas, c'est une folie, une femme qui adore la nourriture. La bonne malbouffe qui a une certaine passion pour la côte levée chez McDonald's. Vous savez, le hamburger de côte levée qui des fois perce le marché pendant quelques mois et les gens sont à la recherche de ça quand il n'est pas disponible. Ils veulent le revoir. Ben justement, une femme en Californie a supplié son gouvernement local pour le retour du McRib chez McDonald's. Elle s'appelle Zante Parahilo. Hein? Une activiste, si on veut, du McRib est allée devant le conseil de ville de Santa Clarita pour montrer son amour pour ce sandwich à la sauce barbecue et elle a expliqué pourquoi les franchisés locaux devaient ramener ça sur leur menu. Ça a eu lieu il y a très longtemps, en novembre 2015, mais la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux plus récemment, donc ça a diverti bien les gens. On l'appelle la McRib Girl. Elle a commencé son détail en notant des statistiques sur le sandwich au porc qui est arrivé pour la première fois en 1982, seulement disponible quelques fois pour des instants, des moments liés. Limité. En 2015, seulement 55% des restaurants McDonald's aux États-Unis choisissaient de garder le sandwich sur leur menu, alors que son McDonald's tombe dans les 45% qui ont choisi de le discontinuer, mais elle continue de faire ses manifestations pour ses McRibs. Mais bon, si c'est bon de même, à pour Amy. La seule fois que j'ai mangé un McRib, là, je devais avoir comme 12 ans et honnêtement, c'était tellement pas bon. Ben, pour vrai, des genres de McRib, il y en a des dépanneurs, là, tu sais, genre du porc reconstitué avec de la sauce barbecue. C'est pas la meilleure affaire au monde et ça ressemble vraiment à ça chez McDonald's. As-tu déjà goûté, David? Non, mais pour moi, McDo égale mou. Comment tu peux intégrer du McRib, en fait, des côtes levées au McDo? C'est comme si Mathieu s'achetait un Android. C'est pareil. J'avais dit que les analogies étaient quelque chose chez David Ferron. Je l'ai réussi celle-là, je pense. Ouais, t'as pas pris celle-là, t'as pas pris. Elle dit au conseil de ville, entre guillemets, là, je cite ici, que le retrait du McRib du menu a affecté sa famille au complet parce qu'à l'Action de grâce, sa famille commande 50 morceaux de croquettes de poulet et 10 McRib. C'est une tradition dans sa famille de manger des côtes levées McRib à l'Action de grâce. Wow, quelle belle famille! On salue la famille. Ouais, vraiment. Ensuite, on vous suggère de faire un sandwich McMuffin similaire au McDonald's avec un couvercle de pot maçon. OK. Vous savez que McDonald's sert des repas à déjeuner toute la journée. On n'a pas besoin de vous l'apprendre, mais... Hein? C'est une recette de Marie-Lou, ça? Ben voyons donc, jamais je prendrai une recette de Marie-Lou. Donc c'est une façon de faire un œuf McMuffin avec un pot maçon, c'est vrai. Donc c'est sur le menu. Une recette de Marie-Lou. Mais ça sent tellement son genre à... Ben non, genre trois fois par jour? Ben non, c'est santé du trois fois par jour d'habitude. Ouais, je le sais, mais ça serait son genre de mettre des trucs dans des pots maçons. La grosse mode, tout le monde fait ça. Mais là, on parle seulement du couvercle de pots maçons. C'est sur le blog Serious Eats, Jake Kenji Lopez qui nous partage cette technique de cuisson et explique pourquoi on devrait utiliser le couvercle du pot au complet, pas juste le moule, parce qu'il y en a qui servaient du moule, juste le... Tu sais, parce qu'un pot maçon, tu peux enlever le couvercle de son socle, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. L'anneau versus le petit couvercle. Tout à fait. Que je mime avec mes mains comme doigts qui passent dans un rond, ça fait un petit peu inapproprié. Mais bref, faut prendre le truc au complet, non pas juste l'anneau pour faire l'anneau. Tellement de gags à faire. Mais je suis désolée, là. Hein? Je vais prendre 30 secondes de cette semi-nouvelle pour vous annoncer, messieurs, qu'aujourd'hui, c'est la Journée internationale du vin. Voilà. Wow, c'est wow, merci, Daniel. Mais il n'y a pas de vin chez McDonald's, malheureusement. C'est triste, c'est vraiment triste. C'est triste. On devrait tous boire pour cette cause. On devrait trinquer à la santé de Tania. Exactement. Absolument. Donc, on ajoute de l'eau dans la poêle et on couvre ça avec le couvercle pour garder l'œuf très tendre et juteux. Et en 2 minutes, on va avoir un œuf cuit à la perfection pour votre clone de McMuffin. Allez voir la recette sur assemblagerequis.com. Mais Tania trouve que c'est un semi-article, fait qu'on va passer à autre chose. Toujours chez McDonald's et d'autres géants du fast-food qui se battent pour des clients en Sibérie, les amis. Oh my God! Quand tu penses à la Sibérie, quand vous pensez à ce pays-là, nordique, vous vous imaginez, j'imagine, une place gelée, remplie de paysages insoutenables, imprenables. Goulag. Hein? Goulag, oui. Entre autres, mais absolument. Pas juste ça. Il doit y avoir des musées, des trucs intéressants. Probablement. Je sais pas. Donc, vous imaginez probablement pas un McDonald's là-bas. Peut-être vous imaginez un McDonald's, hein? Mais en Sibérie, maintenant, il y a plusieurs restaurants McDonald's et plusieurs même endroits où il y a de la compétition. Il y a un défi pour avoir le trône du fast-food dans la ville de Tomsk, qui est à plus de 1000 miles de Moscou, où un panneau publicitaire dit que PFK va ouvrir bientôt et les gens capotent. McDonald's donc essaie de pousser sa franchise pour aller en Sibérie le plus possible. Ils font face à des compétiteurs féroces comme PFK et Burger King qui font la même chose pour prendre de l'expansion en Sibérie. Je m'attendais pas à ça, mais c'est comme ça. Wow. C'est difficile côté logistique d'envoyer de la nourriture en Sibérie. Pas ça doit facile. Coûter vraiment cher. Voilà. Ensuite, 5 façons différentes de manger des œufs chez McDonald's. Si on a parlé tantôt d'œuf McMuffin, c'est quand même un classique. Mais c'est la seule façon, non? Ben, Colin, non. Ah, ben voyons. Ben non, il y a 5 différentes façons de préparer les œufs chez McDonald's, Tania. Pour vrai. Il y a le round egg. Ça, c'est le défaut du McMuffin, bien sûr. Pas le défaut négatif, mais le défaut comme dans par défaut. L'œuf rond est seulement un œuf qui a été craqué dans un anneau et cuit sur le grill, bien sûr. Ensuite, tu peux avoir chez McDonald's des œufs brouillés. Ben, je savais pas ça. Disponible dans les assiettes déjeuner de chez McDonald's. C'est des œufs liquides, donc c'est des œufs et de l'acide citrique qu'on fait cuire sur le grill. Ensuite, l'œuf plié. L'œuf plié. Le folded egg, qui est le standard dans les sandwichs biscuits, là, tu sais, les pains biscuits chez McDonald's. Ouais. Et ça arrive dans les restaurants pré-cuits et congelés. Ah, OK. Les magnifiques œufs congelés, comme chez Dunkin' Donuts dans le temps. Merveilleux. C'est ensuite réchauffé lorsqu'on en a besoin en utilisant une combinaison d'œufs, de lait sans gras, de fécule, food starch, je me rappelle jamais c'est quoi, c'est de la fécule de messe. Il me semble que oui. Du sel, de l'acide citrique et de la lysine de soya. Ensuite, tu peux demander des blancs d'œufs. Ici, je sais pas, mais je sais qu'aux États-Unis, ça se fait demander des blancs d'œufs, mais ici, je l'ai pas vu encore. Est-ce que tu l'as demandé? Non, parce qu'on est rendu avec des écrans tactiles, puis si tu vas voir la petite madame, elle fâchés, dit hein? Passe par la petite cousine. Je sais, je comprends tellement, ouais. Bref, donc c'est ça, c'est dans les Egg White Delight McMuffin qui existe aux États-Unis au moins. Oui, c'est merveilleux. Je vais voir, on devrait l'essayer, le demander. C'est de la poitrine de dinde en plus. Sur leur McMuffin Egg White Delight. Oh, magnum. Donc, c'est des œufs, des blancs d'œufs, oui, cuits sur le grill. Et t'as les œufs Sausage Burrito, donc pour le burrito à la saucisse. Donc, c'est des œufs qui sont fournis avec ça. C'est comme les œufs pliés, sauf qu'ils sont... comme les œufs pliés, ils sont pré-cuits et congelés. Ah, mais ouais? Les ingrédients sont différents comparés aux œufs brouillés parce que ça inclut des saucisses et des légumes. Donc, quand vous commandez votre burrito matin, c'est pas des œufs frais faits sur le grill. C'est des œufs pré-cuits et congelés mélangés avec des légumes congelés et des saucisses congelé et un paquet d'ingrédients. La liste est sur assemblagerequis.com. Donc, c'est des façons de prendre ses œufs chez McDonald's. Mais juste, je fais une petite parenthèse, mais il y a un truc bien basique pour séparer le blanc du jaune. Okay. C'est que vous prenez une bouteille d'eau vide. Puis, en fait, avec la bouteille d'eau, on aspire le jaune. Ah! Oui. Tu veux dire que tu squeezes la bouteille, puis après ça, tu prends l'œuf avec? Oui, le jaune seulement. Juste le jaune. Wow, cool. Je sais pas ça. On va en Italie maintenant, où McDonald's sert à des olives frites. Des stuffed olives, donc des olives farcies. C'est un menu local pour un temps limité en Italie, bien sûr. Donc, on offre ce qu'on appelle en anglais battered and deep fried meat stuffed olives, donc des olives fourrées de viande. Oh, ça doit être bon. Qui sont bien sûr frites dans l'huile. Ça s'appelle. C'est un plat classique en Italie qui s'appelle olive al ascolane. C'est un plat régional servi un petit peu partout comme un genre d'amuse-bouche. En plus des olives, la chaîne de fast-food a aussi plusieurs autres articles sur le menu en Italie, dont le McFlurry Zuppa Inglis. Donc, c'est un gâteau à l'éponge, un gâteau style éponge, et de la croustade à l'intérieur. Donc, c'est un McFlurry, bien sûr, de la crème glacée classique chez McDonald's. Tiramisu! Ils ont des tiramisu panettone, donc c'est un tiramisu avec des fruits séchés, des raisins et des amandes grillées. T'as le trio de légumes qui ressemble à du... c'est similaire au tempura de légumes japonais avec des zucchini, des pois, des piments et des de l'aubergine, voilà. Oui. Ça doit être bon. Ouais. Ça doit être excellent. Ils sont passés à la friture aussi. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, pas mal tout. Pas mal tout, là. Le mix Italie Chiana avec du bœuf, de la laitue, du fromage et du pain qui viennent tous de l'Italie. Mais évidemment, faut aller en Italie pour les goûter. Ensuite, le célèbre chausson aux pommes de McDonald's. Et un paquet d'autres affaires comme du beef jerky, des carrés au Rice Krispies qui sont passés en time-lapse avec des fourmis qui les mangent. Arc, non, non, non. Donc, on y va en accéléré. C'est trois vidéos time-lapse avec la petite musique. Tu veux le voir? Ben, Tania, si tu veux bien appuyer sur le bouton play. Donc, tu as le premier en haut et bien sûr le chausson aux pommes de McDonald's mangé par les fourmis en accéléré sur une longue période avec de la musique un petit peu choisie au hasard en arrière. On dit random stock music, de la musique générique. Ça a pris trois jours complets pour que les fourmis puissent manger le... Mais elles ont trouvé ça délicieux. Comment est-ce que tu le sais? Je leur ai demandé, non? Ben oui, clairement. L'homme là, qui parle aux fourmis. Pour qu'ils les mangent en 3 jours, étant aussi petites, les fourmis, j'imagine que c'est... Mais il y en a eu combien de fourmis? Ah non, mais tu comprends pas. Des milliers, David, des milliers. OK, toute pour une vrai, colonie. Là. Toute une colonie de fourmis. Clairement. Vous pouvez les voir manger du beef jerky et des Rice Krispies Treats sur assemblagejockey.com. Mais est-ce que ça existe, de l'obésité chez les fourmis? Ah! Ils vont exploser. Je sais pas. Hein? Mais... Je me demande le beef jerky, qu'est-ce que ça a fait. S'ils peuvent soulever, je sais pas combien de fois leur poids, ils peuvent peut-être manger aussi plusieurs fois leur poids, on sait pas. Ouais. Ah, mais ensuite, ils sont tout le temps en train de travailler quand ils pensent qu'ils fourmis. C'est vrai. On revient en Italie, on y était tantôt. McDonald's en Italie qui sert maintenant un taco au Sunday. Ou un sundae au taco. Non, un taco au sundae, je pense que c'est pas mal mieux. Donc, ça s'appelle le pocket sundae. C'est un pita plié, rempli de crème glacée à la vanille et un petit drizzle, un petit filament de fudge et de noisettes. Le pita lui-même est garni d'une petite poudre de cannelle. Et ça a été introduit l'été passé. Donc, c'est taco au sundae en Italie. Arc, c'est dégueulasse. Les fourmis, hein? Oui. C'est ça. Tania n'est pas passée à autre chose après non, les fourmis. Non, pas encore. Là, j'ai regardé le beef jerky. Ça l'a pris exactement 26 heures. Wow. C'est fascinant quand même. Ouais. Moi, je vais continuer de parler à notre cher auditeur qui suit les nouvelles. McDonald's qui teste un joyeux festin pour le déjeuner. Vous connaissez les joyeux festins ou comme on appelle en France, les Happy Meals? Les Happy Meals. Parce que les Français sont capables de parler en français. Oui, aux États-Unis aussi, il n'y a pas ça de même. Oui. Les Happy Meals. Les Happy Meals. Les Happy Meals. Donc, on amène l'option de déjeuner pour enfants, de repas complet pour les enfants au déjeuner à Tulsa, en Oklahoma. Ça a commencé à l'automne, l'automne dernier, donc en septembre 2016. Les nouveaux... All Day Breakfast Happy Meal suivent le modèle des déjeuners toute la journée. Donc, il y a 3 choses d'entrée. 2 McGriddle Cakes. Ça, c'est des petits sandwichs McGriddle. Là, c'est le McCrêpe en français. McCrêpe, c'est comme une genre de, comme un hamburger, mais avec des crêpes à la place du pain. C'est super bon, très sucré. Donc, c'est comme un McGriddle, mais moins la portion sandwich. Donc, c'est juste les pains crêpes crêpés. Je pense que t'es la seule personne que je connais qui a déjà mangé ça. C'est vraiment excellent. C'est un sucré salé par excellence pour ouais. Vrai. Les œufs, le bacon, puis les crêpes, mais ensemble, c'est J'avais pas que ça existait chez McDo. Oui. Essayez-le, try it, you'll like it. C'est comme une espèce de burrito, mais... Pas pantoute, en fait. Non, pas du tout. Un burrito, c'est un genre de wrap. Ouais, c'est ça, mais... C'est pas du tout ça. OK, c'est juste... C'est comme un McMuffin, mais remplacé par des pains crêpés après. Ah, OK. C'est comme des pains hamburgers, sauf qu'ils ont été trempés dans le sirop d'érable. C'est ah, génial. OK. Ensuite, parmi les nouvelles entrées, on parlait du menu Happy Meal déjeuner. C'est le nouveau Egg and Cheese McMuffin, donc œuf et fromage. C'est-à-dire que c'est comme un œuf McMuffin, mais sans le bacon ou sans la viande, dans le fond. Yum. Mais dans un joyeux festin pour les enfants. Et en plus de ça, ben, les patates hachées brunes sont disponibles en à côté. Sinon, on peut aussi prendre les tranches de pommes, le petit yogourt à la fraise ou les frites au déjeuner. Oui, je comprends pas. Mais il y a des restaurants McDonald's qui servent le déjeuner toute la journée et qui ont pas la petite patate hachée brune. À la place, ils ont des frites, puis je comprends pas ça, j'aime pas ça. Il faut les patates hachées brunes. Bon. Donc, dans le joyeux festin pour enfants, au déjeuner, tu as le droit à une entrée, deux à côté, une boisson et un petit jouet. C'est offert dans 72 McDonald's de Tulsa, en Oklahoma, comme je l'ai dit tout à l'heure. Toujours dans un bloc de nouvelles spéciales sur McDonald's, on apprend maintenant comment faire des favoris de McDonald's à la maison. Tantôt, on a parlé de comment faire des œufs McMuffin. Ben maintenant, vous allez pouvoir faire tout le reste de la gamme de produits. C'est une vidéo d'une chaîne YouTube qui se nomme... Voyons. DIY. Non, healthy junk food. Mais healthy comme dans hell, comme dans enfer, comme un jeu de mots. Ah, mon Dieu. Donc, on va pouvoir faire 10 favoris à la maison. Donc, le sausage biscuit, donc le biscuit, le pain biscuit avec saucisse. Le McMuffin à la saucisse, burrito saucisse, McMuffin saucisse et œufs, patates hachées brunes, œufs McMuffin, le Big Breakfast avec des crêpes, la grosse assiette déjeuner. Les McGriddles dont j'ai parlé tantôt, McCrêpes, le steak egg and cheese bagel, on n'a jamais vu ça ici, je pense, un bagel au fromage avec des œufs et du steak à l'intérieur. Et du steak, non, mais ils le font avec du bacon. Ah, avec bagel et bacon. Oui. Okay. Et le bacon egg and cheese bagel, donc si c'est pas assez, vous allez pouvoir avoir la nutrition aussi versus McDonald's. Donc McDonald's est plus gras et plus plein d'affaires versus la version maison qui est beaucoup, beaucoup moins pire, voilà, pour la santé. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse, c'est super détaillé. Donc comment faire vos propres menus McDonald's et en plus, visuellement, ça ressemble quasiment. Ils auraient pu faire fondre leur fromage un petit peu plus, par contre. Mais en moins écrapous. Moins écrapous, exactement. Je sais pas comment ils font chez McDonald's pour les écrapous autant. Quelqu'un est payé juste pour faire ses dessus, je pense. Peut-être. McDonald's, toujours, teste maintenant. En fait, testé à l'automne dernier. Je suis sûr que c'est encore le cas aujourd'hui. On teste une nouvelle limonade à la lime et à la cerise, miam. Disponible pour un temps limité dans le Missouri et l'Arkansas. C'est un mélange de Sprite et de concentré cerise et lime, plus un petit quartier de lime ou deux. Oui, oui, chez McDonald's, des vrais quartiers de lime. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Un vrai fruit coupé et dans une boisson chez McDonald's, c'est original. Donc, c'est offert pour 1,29$ US en test en ce moment. Toujours dans les tests et toujours dans les nouvelles qui datent, mais qui sont des tests, donc ça change pas grand-chose parce qu'on ne pourra pas y goûter de toute façon. C'est une nouvelle ligne de boissons gazeuses version slush. Ah, ben oui. Des slush au Coke, au Fanta. Aux fraises, je crois, aux framboises, pardon. Et un autre à la cerise sauvage. Oh, voilà. Mais il n'y en a pas à la root beer. Il n'y en a pas à la root beer. C'est dans Wichita, Kansas, et dans le l'ouest et le centre du Kansas. Donc, c'est nouveau pour McDonald's aux États-Unis, mais présentement, c'est disponible dans d'autres pays, entre autres l'Australie, la Malaisie et la Thaïlande. Je sais pas. Moi, j'ai pas vu ça passer encore ici. Donc, peut-être qu'on va l'avoir un jour. Et puis, sinon, ils ont aussi essayé d'autres affaires comme la limonade en slush. Ça, on l'a ici. Je l'ai vu chez McDonald's, la slush qui a l'air vraiment bonne. Et sinon, d'autres sortes de limonade à la fraise et à la fraise limonade, oui. Et t'as le cherry berry chiller. Voilà. Et des frappés au café, là, tous les classiques qu'on connaît bien ici. Ensuite, il y a un homme qui fait le tour du monde pour critiquer les McDonald's à l'international. C'est James McGowan, un blogueur culinaire, alimentaire, intrépide, qui a un type très très spécifique de blog. Il critique les McDonald's. Donc il a fait plus de 50 pays à la recherche de différents McDonald's. Il a critiqué plus de 300 repas McDonald's dans sa carrière jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez goûter, presque goûter, vivre par procuration les frites au fromage américaines de chez McDonald's au Japon. Pourquoi pas, des fois il y a des menus d'inspiration d'ailleurs dans le monde. Donc au Japon on a essayé de faire des American Vintage Cheese Fries. Sinon il y a le McBanh Mi au Vietnam qu'il a essayé. Vous pouvez voir des capsules vidéo, c'est tout filmé, tout magnifique. Il y a du riz chez McDonald's à certains endroits. Oh, miam. Il y a plein de choses, donc allez voir ça. Ensuite... On a un autre fou furieux sur YouTube qui vient faire les mélanges dans son Ninja Blender Magic Bullet, peu importe, de jus et de boissons et de nourriture de McDonald's, mais tout ça dans le même blender, et après ça, il va boire le verre. Oui, oui. Donc, il déballe des McPoulet, peu importe, Big Mac, met ça dans son blender, et puis boit ça. J'aime mieux le gruau au fromage et romarin. Fromage, pomme et romarin, exactement. Donc, c'est un smoothie peut-être moins bon pour la santé que les smoothies que vous êtes habitués de boire. Allez voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est dégueulasse. Même les frites là-dedans, c'est de toute beauté. Ça doit être brun. C'est brun. C'est en effet brun. T'as bien deviné. Parce qu'un mélange de couleurs, c'est souvent brun. Hein? Ben oui. Ouais, c'est vrai. Exact. Ensuite, ça c'est un peu spécial. Hein? C'est l'article de mentalfloss.com qui nous raconte la fois où McDonald's a inventé un brocoli à saveur de gomme ballon. Hein? Ouais, c'était en 2014. En 2014, le directeur général Donald Thompson, donc le directeur général de McDonald's, s'est fait demander qu'est-ce que le géant alimentaire allait faire pour donner des options plus santé aux enfants. 3 ans plus tôt, la chaîne avait déjà revampé les joyeux festins en coupant la portion de frites en deux et en offrant des fruits comme à côté, on l'a dit tout à l'heure. Mais Thompson a dit qu'ils ont fait aussi une expérience avec des méthodes non conventionnelles pour attirer les enfants vers les produits plus santé. Une des ces innovations-là étaient en effet du brocoli à saveur de chewing-gum. Mais voyons. Ouais, McDonald's pensait que le côté sucré allait révolutionner le fast-food pour les enfants, mais leur bulle a éclaté hein, lorsque le brocoli a été testé sur des enfants. Et les enfants qui avaient déjà goûté du brocoli, imagine la surprise. Il aimait mieux le brocoli. Ben c'est ça, c'est un peu bizarre. Ça a vraiment pas été un succès. Le focus group était complètement confus. C'était absolument rien de... rien de bon. Mais c'est voilà. La texture aussi. Tu sais, il y a une dissonance cognitive ben sûrement oui. Avec la texture et le goût de la gomme. Probablement. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on faisait une gomme ballon à saveur de brocoli. Ça marche pas du tout. Donc, je pense que les enfants vont préférer leur petit yogourt, leur tranche de pomme, puis leur frite. Ça va aller. Du brocoli. Tant qu'à ça, je veux dire, on pourrait faire n'importe quel autre mix and match. Là, ça pourrait être, on pourrait manger du chou-fleur à barbe à papa. Là, dégueulasse. C'est vrai. Pour terminer, tiens, ce que les hamburgers et les laits frappés coûtaient chez McDonald's en 1955. Ah mon Dieu. Ouais, McDonald's existe depuis vraiment longtemps. Vous connaissez le film Le Fondateur qui est sorti récemment. Les frères Richard et Maurice McDonald qui ont accepté une machine à milkshake du vendeur Rick Kroc. Qui ont été impressionnés par les ventes, etc. Peu importe. Donc le Des Plaines Journal. C'est une publicité qui est montrée bien sûr sur assemblagerequis.com. On parle d'un hamburger à 15 cents US. Ouh là là. Cheeseburger à 19 cents et des frites et soda à 10 cents par portion. Leur nouveau concept de fast-food et leur stationnement gratuit étaient vantés sur la publicité. C'est devenu un grand succès. Kroc a fait $366.12 US le premier jour. Donc pas mal de hamburgers à 15 cents, on s'entend. Fallait voir la publicité sur assemblagerequis.com. Leur droit était fonctionnel jusqu'en 1984. Il a été démoli et reconstruit de zéro en utilisant les plans d'origine pour créer un musée. Donc, évidemment, il aurait pu construire, comme nous dit l'article de Mental Floss, un musée devant la bâtisse d'origine. Mais non, ils l'ont détruit, ils l'ont reconstitué. C'est un peu une drôle d'idée. Donc, voilà. Miam, hein? Miam! Voilà, c'est tout pour le bloc McDonald's. J'ai enfin fait le tour de mes nouvelles de McDonald's depuis les deux dernières semaines. Donc, on n'aura plus de nouvelles de McDonald's en rafale comme ça. Oh. Plus jamais! C'est fini! Non, ça sera jamais fini. Non, sûrement qu'il va en avoir d'autres un jour. Ouais. Est-ce qu'il nous reste des nouveautés francophones à entendre? Oui, Colin, il nous reste une pièce de corridor à entendre du côté francophone. D'ailleurs, on s'en va entendre. Tiens, justement, on va retourner comme à l'origine des hamburgers à 15 cents. Ça, c'était à l'époque du Moyen-Âge. Oui, tu parles du Moyen-Âge à l'âge moyen. Et voilà! Oh. Une grosse pointe en dresse à son avis. d'or du Moyen-Âge à l'âge moyen sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Hey, mais les nouveautés sont vraiment excellentes. Ah oui. C'est fou, hein? Très estival en plus, on aime vraiment. Ça. Donc voilà, c'est presque la fin de l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a marqué le plus dans notre émission spéciale du Potluck, une grosse potendresse numéro 2? David, qu'est-ce que t'as préféré dans l'émission d'aujourd'hui? Ta gentillesse envers moi. Ah, merci. Non, c'est vrai, mes t'es blagues. T'es mon souffre-douleur préféré. Je fais des blagues, mais en fait, vous êtes d'excellents animateurs. Merci, merci. Je trouve qu'on devrait vous engager à quelque part, mais on veut que vous restiez ici aussi parce que vous êtes indispensable pour ces fous. Tu veux juste voler notre place, c'est ça l'affaire? Ah... Je voulais que ça se transforme en radio Eurovision. Ah ben oui. Donc ton produit préféré de cette semaine, David? On va rappeler aux gens qui nous écoutent depuis le début, c'est dur, qui ont manqué des bouts, qu'on a goûté dans l'ordre les chips choix du président au curry thaï, la bière Grolsch Radler non alcoolisée. Ensuite on a goûté à la pizza de Martin Lambert, All Dress. On a goûté au thé glacé Gold Peak. Moi je pense que c'est ça. Les breuvages. Les breuvages? Ouais. T'as pas aimé les petits Chips Ahoy Tins? Ok, ceux-là aussi. Au sucre et cannelle. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Non, je crois pas. Non, ben, en fait, je suis sûr, moi, ma note, c'est la bouffe de Tania. Ce que Tania aurait pu amener. Ah, le potentiel de Tania qui n'a pas été exploité aujourd'hui. Je suis désolé. Mais je dirais. Ce sera pour la semaine prochaine. C'est ça. Mais je dirais qu'on dirait que tout s'accordait bien. Oui. C'est vrai. Il n'y avait pas de clash. À part les thés glacés et les chips au curry en même temps. J'avoue. Ben, c'est pour ça. Une chance qu'on les a séparés, une chance qu'on avait temps de passer à travers exact. De ça. C'est sûr qu'on avait peut-être moins de gens qu'on avait prévu aujourd'hui. Il y a bien des gens qui ont pas pu, qui ont annulé à la dernière minute, mais c'est vraiment pas grave, on leur en veut pas. On va refaire une autre fois une grosse pointe d'adresse, le potluck numéro 3. On va déterminer plus tard la date, là, mais on veut en faire un autre avant Noël prochain. Oui, ben oui, c'est sûr. Parce que le volume 1 était à Noël, là on a fait ça en début d'été. Je pense qu'à la fin de l'été, début de l'automne, ça devrait être une bonne place aussi pour faire ça. Tout à fait. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. C'est tout pour cette édition spéciale d'Assemblage requis. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci, Mathieu. Merci à toi, Tania. Merci à David Ferron. D'être resté. Ben, merci de m'avoir invité encore une fois. Ben, merci, ça fait plaisir. Ben oui. Et merci à Martin Lambert qui a passé une bonne grosse partie de la journée avec nous, malgré ses réunions et tout. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Sinon, sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, en ce jeudi après-midi, pour les gens qui nous écoutent en direct, où nous sommes là de 14h à 17h. À 17h sera la rediffusion de Rock révélé. Ensuite, à 19h moins 5, ça va être le match de baseball Les Aigles contre Rockland, troisième d'une série de 3 à domicile. Ça commence à 18h55 avec l'avant-match. On repasse le samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est En Piste avec Tania Baudin, la reprise de cette semaine. Qu'est-ce qui s'en vient, Tania? Bien, on fait un gros retour sur ce qui s'est passé du côté de Mosport cette fin de semaine parce qu'il y avait beaucoup de séries qui lançaient leur saison. On parle aussi de Jenson Button qui fait son retour en Formule 1 et on parle bien évidemment de voitures électriques. Super, donc c'est En Piste avec Tania Baudin à partir de 15h. On repasse le mercredi entre 11h et 14h et là, c'est une nouvelle édition d'En Piste avec Tania Baudin qui s'en vient. Donc, oui. De quoi tu nous parles la semaine prochaine? C'est une bonne question. C'est En Piste avec Tania Baudin, mercredi 14h. Mais moi, j'ai une question à poser. Tu vois, dans la Formule 1, l'âge moyen des pilotes commence à s'abaisser. C'est peut-être une impression aussi. Non, ça va s'en... En fait, il n'y a pas beaucoup de pilotes. C'est parce que le recrutement se fait de plus en plus tôt maintenant. Et bien évidemment, en Formule 1, tu achètes ton volant. Donc, si tu as l'âge quand même assez jeune, mais les moyens de pouvoir t'acheter ton volant en Formule 1, bien, ça se fait maintenant. Ah! Chose qui se faisait plus ou moins... aussi bien il y a des années de ça. Premier gosse de riche arrivé, premier gosse de riche servi. Ben, le sport automobile, c'est un sport de gosse de riche. Wow, dis même, c'est tellement vendeur. Mais non, mais c'est vrai, on peut pas se cacher que la monoplace, c'est un sport qui coûte extrêmement cher. Même si on parle, par exemple, de NASCAR ou quoi que ce soit, C'est un sport qui est dispendieux. C'est pas comme prendre un bâton de hockey puis d'aller jouer au hockey dans la rue, mettons. T'sais, faut que t'achètes un moteur, faut que t'achètes une carcasse à ta voiture ou à ton kart. T'as pas le choix de faire des entretiens mécaniques. T'sais, c'est un prix que si tu joues au soccer, t'as pas. Hein. Donc voilà, écoutez En Piste avec Tania Baudin mercredi prochain à 14h. Exact. Moi, je vous retrouve au Mathieu Plancheau à 15h, toujours les mercredis, juste après toi. Et je commence l'émission avec des nouvelles de char et d'affaires qui bougent. Ben oui, parce qu'on se suit. On s'enchaîne. Exactement. Les mercredis après-midi. David, on t'écoute à l'Aube Trotter. Oui. Tous les jeudis matin à 11h, en rediffusion les samedis à 17h. De quoi tu nous parles dans la plus récente édition? Dans la plus En fait, celle qui a lieu à matin, je fais voyager les gens en Afrique, mais un peu partout en Afrique. On part du sud au Madagascar jusqu'au Maroc. Oh. Et on finit l'émission, on se rafraîchit en Islande et au Danemark. Génial. C'est l'Optrotter avec David Ferron. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Voilà, donc on termine ça là-dessus, puis on se quitte avec une dernière nouvelle entrée. C'est la seule, si je ne me trompe pas, qu'on n'a pas entendue. C'est celle de Philippe B. Tania. Tu parles d'explosion. Absolument. Oh. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye. Bonne semaine. Bye bye. Tu fermes les yeux au moment de l'explosion. C'est tellement beau, la destruction. Pourquoi tu fermes les yeux? Je voudrais te raconter une histoire. Avant nous deux, avant que se croisent nos trajectoires, il était d'une fois une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit. La, la, la, la. Tu fermes les yeux quand les corps vont au plancher. C'est juste un jeu de gravité. Viens regarder avec moi les étoiles tomber. Ferme les yeux quand tu me dis que tu m'aimes.